C'est ce que j'allais dire. À tout de suite. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Le français est considéré par l'UNESCO comme l'une des 10 langues les plus difficiles à parler à travers le monde. Face à ce constat, les Restos du Cœur de Toulouse ont créé des cours de français spécialisés pour les personnes ayant du mal à parler la langue de Molière. Plus de 6000 personnes bénéficient de ces cours de français très particuliers. Je suis Yat Estara, étudiante à l'ISCP à Toulouse, et nous sommes partis à la rencontre de Patrick, bénévole de l'association qui donne des cours de français. Dans des cours que l'on donne, on a un livre où c'est à la mairie. Déjà, on leur apprend nom, prénom, parce que très souvent, la langue étrangère, c'est l'inverse. Date de naissance, tout ça, on leur apprend à écrire. Et puis, on a une ou deux personnes qui nous demandent pour faire le chèque de la cantine. Donc là aussi, dans notre cours, on apprend les chiffres. C'est très compliqué, on ne se rend pas compte que les chiffres 70, 80, 90, c'est compliqué pour eux. La proposition a conquis de nombreuses personnes, poussant même les bénévoles à demander de nouvelles salles. Quand on a commencé, on n'avait que le mardi matin. Et on a commencé il y a 3 ans. On a été obligé d'ouvrir le mardi après-midi. Enfin, on ouvre là où il y a des créneaux. Et même le vendredi matin, depuis là, on a une réunion hier, on va ouvrir 2 cours le vendredi matin. On essaie d'avoir une seconde salle parce qu'on a beaucoup de demandes et c'est très compliqué. Et puis, il nous faut aussi des bénévoles parce qu'on n'est pas professeur. Hein. Pendant les cours, ce sont surtout les mots du quotidien qui sont appris. Une nécessité, selon Patrick. Donc c'est surtout pour leur apprendre le quotidien, aller au marché, merci, bonjour, au revoir, aller chez le médecin, c'est quand même important, savoir la tête, le cou, j'ai mal au cœur, j'ai mal au dos. Voilà. Leur les horaires, c'est vraiment important aussi de respecter un rendez-vous parce qu'ils ont une charge mentale tellement importante. Au fur et à mesure des cours, on passe à des conversations. On essaie de les faire parler un maximum. Alors on évite de leur faire parler de leur vie, de ce qu'ils ont vécu pour arriver en France. Ils en parlent d'eux-mêmes de façon plutôt intime, en petit groupe. Et on arrive à avoir un moment de confiance et c'est presque des amis. On reste sur le vouvoiement, mais parfois c'est le tu qui sort parce que c'est des amis qu'on fait, c'est des personnes qu'on voit, on les rencontre aux ATF. Certains cas plus complexes d'analphabétisation représentent un réel défi pour le bénévole qui tente de les aider du mieux possible. On s'est plus dirigé vers des personnes qui ont soit ils parlent moins anglais ou sont espagnols ou ils ont quand même fait des petites études même chez eux. Après, on a des mères de famille qui veulent aussi aider leur enfant dans les devoirs à la fin de la journée. Donc on essaie aussi qu'ils parlent français, mais elles ne savent pas écrire. Donc voilà. Avec près de 6000 personnes accueillies par an, les ateliers de français des Restos du Cœur représentent un lieu de culture, mais aussi d'échange et d'entraide. Radio Resto, 48 heures, non-stop. C'est parti, Vincent. 48 heures non-stop. Ouais. On va essayer d'en occuper deux déjà à nous, et ça sera déjà pas mal. Alors, comme le disait Bruno Guillon tout à l'heure, je tenais à ce que Laurent Petit-Guillaume soit là pour lancer. Je sais pas si elle a un titre d'ailleurs cette émission de 2 heures avec Jackie et avec Gérard. Moi, j'ai envie de dire les 3 légendes qui racontent leur passion de la radio et qui viennent soutenir les Restos du Cœur. Moi, je dirais tout pour la radio parce que effectivement, j'ai 2 épées, 2 cadors, 2 gens qui existent part pour la radio, pour lesquels c'est vraiment quelque chose de passionnel. Mais avant ça, Laurent, je voulais qu'on fasse quand même un petit état des lieux, point sur là où on en est, pourquoi on est là, qui on est là, parce qu'il y a des choses un petit peu nouvelles dans la ligne éditoriale cette année. Hein. Absolument. 10h midi, vous avez donc Vincent Perrault, Jackie Gallois. Ah oui, pardon, Gérard, je ne me suis pas présenté. Bonjour. Voilà, bonjour. Ils sont là tous les 3 au micro de Radio Resto pendant 2 heures. On va parler de radio et vous le savez très bien, ces émissions sont destinées à soutenir les actions des Restos du Cœur, comme chaque année Radio Resto, ça sert à ça. Cette année, la grande cause que nous défendons, c'est la petite enfance. Pourquoi ? Parce que la précarité, elle est là. Il y a des familles isolées, il y a des mamans isolées, des papas isolés qui ont des petits-enfants et qui sont accueillis par les Restos du Cœur pour l'essentiel, c'est-à-dire quand on a un tout petit, du lait, des couches, des petits pots. Voilà, parce que... Ça paraît aussi bête que ça, mais il y a quand même des chiffres. En préparant un peu l'émission, en voyant, j'ai été... reconnais, impressionné par le nombre quand même de 126 000 bébés de 0 à 3 ans qui sont reçus avec leurs parents au Resto du Cœur, et un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de la pauvreté. On n'a plus le droit, comme le disait Coluche, on devrait plus, donc il faut faire quelque chose. Et puis il y a des choses, il y a des idées qui sont quand même aussi assez impressionnantes quand on pense qu'il faut 6 générations pour casser le seuil de reproduction de la pauvreté. 6 générations, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc il faut faire quelque chose, on est là pour ça. Restos sont là, malheureusement j'ai envie de dire, mais l'aventure continue, le combat continue, les Restos du Cœur sont là, 73 000 bénévoles à travers toute la France accueillent tous ceux qui sont dans le besoin pendant un certain temps de leur vie. Très souvent d'ailleurs, les personnes accueillies deviennent ensuite des bénévoles des Restos du Cœur. C'est une histoire magnifique qui se continue grâce à la C'est une histoire de cœur, c'est évident. Alors on peut faire des dons, il y a le numéro du standard, le 01 850 90 600. Je le redirai régulièrement. Il y a surtout le site internet radio.restoducœur.org. Vous allez directement, c'est facile. Ok. On peut écouter ou regarder ces émissions puisque nous sommes diffusés sur YouTube, où il y a de l'image. Ah, absolument. D'accord. Voilà. Très bien. Souriez, messieurs. On vous regarde. Souriez, vous êtes filmés. Maintenant, à l'époque de Gérard et tout ça, la radio n'était pas filmée encore. Exactement. On faisait de la radio et que de la radio. Maintenant, c'est de la radio télé un peu. Alors. À l'époque de Gérard, on dirait. C'est marrant, j'ai un retour bizarre dans mon casque. Voilà, c'est mieux. On va t'arranger ça, Gérard. À l'époque de Gérard, on dirait vraiment que c'est. Non, c'est la. Les cavernes, on peut dire à l'époque de Jackie aussi, c'était pas filmé non plus. Bah, la mienne aussi. Non, mais je vais pas mettre mes deux invités à dos dès la première minute de l'émission quand même. Être un peu diplomate. Et pour terminer, les dons, toi tu vas appuyer sur l'écran qui est en face de toi, Vincent, et tu vas voir où on est ce compteur qui ne fait que grimper depuis hier. Alors 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Où est-ce, sur quoi il faut aller appuyer là? Ouais, viens me montrer parce que je viens de débarquer. Ici il y a une somme. Voilà, oui. Pour la rafraîchir, tu fais. Un petit truc comme ça. D'accord. Ah ben oui, comme et sur voilà un ordi. Où on en est. Très bien. 119 550 et ça permet de voir en temps réel tout ce qui se passe. C'est ça. Je fais pas beaucoup chacun quand même. Je n'oublie pas de dire que un petit don plus un petit don égale un gros don. Donc vous pouvez vraiment. Un petit don, ça peut être 5 euros. Mais oui, euro, en fonction de ses possibilités. Évidemment. Défiscalisé comme c'est le cas depuis toujours. 100 euros finalement revient à un don de 25 euros. C'est quand même très abordable. Absolument. Et l'idée, c'est bien sûr de vous amuser, de faire de la radio pendant ces 48 heures, de parler de ce que vous voulez. Vous pouvez intervenir. Il a donné le numéro de téléphone, Vincent. Parlez-en autour de vous parce qu'effectivement, nous sommes diffusés sur Internet, sur l'application, sur YouTube, sur Radio Player. Mais on a besoin de plus en plus de monde. On a besoin que ce message que nous allons diffuser pendant 48 heures soit reçu par un maximum de personnes. Jackie Galois. Alors, je t'ai dit, Laurent, est-ce que tu peux venir 5 minutes pour faire l'état des lieux? Il est déjà 10h10. Eh ben, on va passer. Alors, c'est pas que je te raccompagne à la porte, mais enfin, ça va être à nous maintenant. Toutes les heures, un petit flash info réalisé par les étudiants d'Igencia qui nous reçoivent. Très bien. Et puis, pour démarrer votre émission, un titre des enfoirés et après, vous faites ce que vous Allez, voulez. Allez, c'est parti. Merci Laurent Petit-Guillaume et bravo. Merci mon Lolo. Merci. Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces. Ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface. Dieu j'en ai connu. On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins. C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir. Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nos maintenues. On trace. Et mille ont échoué. Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider? On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien. C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner les Ensemble, ensemble, tout simplement. Ensemble, ensemble, tout simplement. Eh bien, c'était Les Enfoirés, vous les avez reconnus évidemment. Alors, il y aura de la musique évidemment, hein, durant ces deux heures. Il y a une programmation extrêmement variée que nous détaillerons. Mais le but aujourd'hui, c'est de faire de la radio, de célébrer la radio avec des gens non seulement qui l'aiment et qui en ont fait une partie extrêmement importante, je veux pas dire même la plus importante partie de leur vie. Ils l'ont passé devant ou derrière des micros, à transmettre leur savoir d'ailleurs pour certains. Nous y reviendrons, donc je refais les présentations. À ma droite, Jacky Gallois, que vous connaissez bien sûr, la voix, et peut-être même plus proche de vous si vous avez eu l'occasion de suivre quelques-uns de ses cours. Salut Jacky. Salut Vincent, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et puis à ma gauche, eh bien voilà, le mythe vivant Gérard Klein, quoi. Oh. Instituteur aussi, hein. Ah, l'institut professeur également. Hein. Mais là-dessus, on va parler de l'image aussi et de l'écran, parce que ça n'a pas été qu'un homme de radio, Gérard. Nous y reviendrons. Mais je voudrais, Gérard, pour commencer, que tu me fasses, s'il te plaît, ce qui, moi, m'a beaucoup impressionné quand je t'écoutais en tant qu'auditeur lambda, que tu me fasses le « Salut, c'est Klein ». Oh ben dis donc, ah ouais. Ça fait longtemps. Allez, voilà, on imagine qu'il y a eu la musique du générique, ton émission commence, le rouge micro s'allume et ça donnait quoi ? Salut, c'est Klein. Ah voilà. Mais il y avait aussi, salut, c'est Klein. Là, tu peux en faire des... C'est ça, à la radio, c'est ça qui est bien. Mais oui, c'est ça. Hein. Donner ton humeur simplement avec la musique, et Jacky et toi, vous savez bien faire ça. En fait, c'est de la musique, la radio. Et en fonction de l'heure, d'ailleurs. On ne dit pas, salut, c'est Klein, de la même façon si on fait une matinale ou si on fait une émission du soir. Si il est 3h du matin, c'est... Salut, c'est Klein. Salut, c'est Klein. Exactement. Ouais. Puis ça dépend de la personnalité de l'animateur aussi, voilà. Évidemment. Parce que Gérard, quand il disait « Salut, c'est Klein », c'était amical. C'est-à-dire que ça venait du fond du cœur. Oui. Pour d'autres, on serait dit « Tiens, c'est un peu bizarre de dire « Salut ». Mais pour Gégé, pour Gérard Klein, c'est mais c'est ça. Hein. Alors, ça dépend complètement de la personnalité de l'animateur. Et justement, il faut reconnaître qu'à une certaine époque à la radio, alors on se tenait bien droit, ça rigolait pas trop. Il y avait quand même un certain nombre de choses qu'il fallait respecter, surtout un petit peu sur les chaînes officielles du côté de Radio France sur Inter. Attention, j'imagine que tu vas nous en parler, Gérard. Mais bon, généralement, l'animateur disait « Bonjour, c'est Intel au micro, Jacques Pradel, etc. » Et là, tout d'un coup, on avait « Salut, c'est Klein ». Il y avait quand même un autre ton, j'imagine, Gérard, avant de revenir sur ce qui nous intéresse, qu'il fallait, entre guillemets, te prendre comme tu étais. Et tu n'étais pas là pour composer, tu étais là pour être toi, non ? Oui, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Le premier, c'était sur Europe, en fait. Il y avait des animateurs qui étaient plus vivants et qui déconnaient, quoi, qui racontaient des bêtises. Après, Coluche, il a forcé le trait en disant à la radio des choses que personne n'avait jamais dites, quoi. Non, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Gérard Klein a apporté quand même une nouveauté en radio. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, Vincent, avant c'était « Bonjour, chers amis, chers auditeurs ». Voilà, « chers auditeurs ». Est arrivé Gérard Klein, France Inter, qui était au standard au début, qui un jour, il a dit « Moi, je voudrais faire du micro ». Donc, il est arrivé avec sa personnalité. Il est passé à RTL et à Europe 1. Ça a été un phénomène, parce que Gérard, on avait l'impression que l'émission n'était pas préparé, oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de canevas. Voilà, il y avait quelqu'un qui arrivait dans le studio. Il y avait Pampan qui réalisait l'émission, Jean-Marie Pantalacci, et c'était pas prévu. Et Gérard disait viens là, toi. Approche. Alors qu'est-ce que tu deviens et tout. Et Gérard a fait toute sa carrière avec justement cette simplicité, cette radio, proximité. Cette proximité. Ah ouais. Et que ce soit à Radio Monte Carlo, que ce soit à Europe 1, que ce soit à RTL. On va toutes les citer, de toute façon, parce que radio à vous deux, vous les avez toutes faites. Non, hein. C'est vrai, ouais. En fait, c'était vraiment pas préparé, quoi. Ah oui. Pas préparé du tout. Et j'ai fait de la radio pendant une douzaine d'années. Non, mais t'as raison. Hein. J'arrivais les mains dans les poches. Longtemps avant, une heure avant, c'est vrai. Je buvais un café à l'Athénia quand j'étais à Europe, ou chez Savy quand j'étais à RTL. À RTL, oui. Et je ne sais Bayard. Pas pourquoi, je n'ai jamais rien préparé, en fait. Mmh. Et mais c'était ça, parce que... Truc, hein. Eh oui, ça fait partie des côtés extrêmement atypiques et des vraies personnalités de la radio. Alors, les gars, on va revenir évidemment sur toutes les anecdotes, les grands moments de votre métier, mais comme vous l'avez compris, Laurent nous en parlait tout à l'heure, la ligne éditoriale des Restos du Cœur cette année, ça va vraiment vers les enfants, vers les bébés, 0-3 ans, vous l'avez compris. Je vous redonne une nouvelle fois le numéro du standard que vous pouvez appeler pour faire un don, même un tout petit don. Il faut surtout pas avoir honte de faire un don à la mesure de ses possibilités. Comme le disait Laurent, même si c'est ça, 5 euros, c'est formidable de pouvoir faire ça. Oui, Gérard. Mais nous, on peut donner comment, là ? Ah ben, t'inquiète pas, je te dirai, moi, l'année dernière, j'ai donné aussi. Pas très bien. Et puis, ils te prennent le truc et ça ira. Oui, on peut le faire en interne, nous aussi, sans problème. 01 850 90 600 et sur le site radio.restoducœur.org. Et alors, on parlait sans les 3 W, hein. Sans les 3 W, voilà, exactement. Ouais. Et nous parlions donc bon de la toute petite enfance des bébés, mais l'enfance tout court, Jackie, Gérard, l'importance de la radio quand on est enfant. Ça peut commencer évidemment un peu à la maison, nos parents mettent la radio. Il y a aussi il y a l'autoradio de la radio de papa aussi, hein. On écoute la radio en voiture. C'est pour dire que est-ce que vous, l'un et l'autre, l'univers de la radio, comment avez-vous fait connaissance avec ce média dans votre enfance ? Alors, mon premier souvenir avec une voix qui m'a interpellé et qui m'agaçait, c'était le dimanche soir. On dînait dans la cuisine, hein, à l'époque, dans la famille, et il y avait Radio Luxembourg, RTL, qui était en place, et il y avait une femme qui faisait une chronique qui s'appelait Geneviève Taboui. Et qu'avait, alors je sais plus si elle faisait une chronique de politique internationale ou autre chose, en tout cas une chose est sûre, c'est que la radio était là. Il n'y avait pas de télévision, parce qu'il n'y avait pas de télévision, la télévision était uniquement dans la pièce principale. Et oui, bien sûr. Et tous les dimanches soirs, lorsque nous étions réunis à table avec mon frère et mes parents, il y avait cette dame avec, elle avait une voix. Genre de canard. Alors je ne m'intéressais pas à la radio, Gérard. Attendez-vous à savoir. Voilà. Et alors ça. Tu écoutais toi aussi, Gérard. Bien sûr. C'était quelqu'un de très respecté, Geneviève Taboui. Ouais. Et je me souviens de cette voix qui m'agaçait, qui m'accrochait. C'est-à-dire que je me disais mais je comprends pas pour quelle raison tous les dimanches soirs on est obligé de. Ah ouais. D'accord, oui, de se taper ça. Voilà, exactement. Hein, on peut le dire. Ça, c'est une première voix. Et tu veux que je continue un petit peu ? Alors, vas-y. Alors, oui. Alors après, un indicatif. Moi, ma grand-mère m'a élevé, voilà, parce que mes parents travaillaient la nuit en usine, tout ça, bref. Et ma grand-mère écoutait Ménie Grégoire. Ah bah oui, la grande institution de RTL. Et tu vois, je suis gamin, et lorsqu'il n'y avait pas école, et qu'il n'y avait pas les programmes pour la jeunesse encore, tu sais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes et tout... Ma grand-mère écoutait Ménie Grégoire. Alors, moi, je l'écoutais pas, Ménie Grégoire, je l'entendais, mais cet indicatif, ces trois notes de piano, pour moi... ça restera à jamais d'abord un souvenir de ma grand-mère, de mon enfance, hein, parce que je suis pas encore ado, mais ma grand-mère, 14 heures, c'était Ménie Grégoire. Le rendez-vous et immuable. Et ça déjà, je trouvais ça très bien. C'est pas les petites notes, ça faisait comment ? Tu vois, c'est comme si c'était hier. Ménie Grégoire. On voit que ça touche au cœur, que immédiatement ça revient et ça va immédiatement dans la partie la plus sensible. Elle était sympa parce que c'est des êtres humains quand même. Les gens qui font de la radio sont des êtres humains. Ça veut dire qu'on se lève, on mange, on a faim, on dort. C'est vrai, hein, on transpire. Là, la clim, elle nous soufflait dans le nez. Moi, j'ai demandé qu'on la baisse. Là, on transpire pas dans ce beau studio. Non, mais la radio, c'est essentiellement de l'humain qui parle à l'humain. Le truc un peu nul, maintenant complètement nul. Si Coluche était là, il dirait des gros mots, on n'en a pas encore dit. Le truc nul, c'est de filmer la radio. Je le dis quand même, c'est carrément nul, quoi. C'est ça de rien dire, mais rien dire du tout. Quoi. C'est devenu. Nous sommes dans le règne de l'image. Comme si tu dis je t'aime à une femme avec un haut-parleur. Tu prends un mégaphone pour les lire. Je t'aime. D'autant plus, Gérard, que non, mais c'est vrai. Il y a de ça des années. Le physique, on s'en fichait royalement. Mais oui, c'était la voix, justement, parce que c'est les gars. Il y a même à un moment donné où les stars de radio, on les appelait des voix de radio, et on disait même que certains avaient des physiques de radio, ah oui. Ce qui n'était pas forcément un compliment. Hein. Bah, c'est un exemple devant toi. Moi, on m'a toujours dit, t'as un physique de radio. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, on va revenir maintenant à l'enfance et aux souvenirs d'enfance, au premier contact de la radio avec Gérard Klein. Mais je vous propose d'abord d'écouter Nicoletta, si vous voulez bien. Ouais, Nicoletta ouais. Est bon entendeur avec ce célèbre Fio Maravilha. C'est quand même une immense chanson brésilienne. C'était George Ben, je crois. Hein. Ouais, il me semble que c'est de George Ben, et avec un très très beau texte français de Boris Bergman. Oui. C'est lui qui a fait l'adaptation française. Il est beau lui aussi. Hein. Ah ouais, excellent. Et donc voici Nicoletta, et on se retrouve après avec les souvenirs de radio et l'enfance de Gérard Klein pour vous sur Radio Resto. Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois. Vous avez pu constater qu'elle a subi un petit lifting. Je parle de la chanson, hein, évidemment, pas Nicole, mais pas notre chère Nicoletta qu'on adore. Mais la chanson, là, elle a une rythmique qui est un petit peu différente de la version originale de Fio Maravilha. Bon, vous écoutez Radio Resto, je vous redonne le numéro du standard qui vous permet de faire un don. Vous savez que cette année, c'est particulièrement à destination des enfants, des bébés de 0 à 3 ans qui sont quand même très, très, trop, trop nombreux à devoir bénéficier bénéficier des Restos du Cœur. 01 850 90 600 et le site radio.restoducœur.org. Et également sur l'appli Radio Resto et sur Radio Player. Peut-être que Vincent, on pourrait faire un petit peu le point concernant. Alors, si t'arrives, parce qu'on est dans un Concorde là. Je vais rafraîchir la page exactement comme Laurent Petit-Guillaume me l'a dit tout à l'heure. On a démarré, on était aux alentours de 118 000 à peu près. 119 550. Attendez, vous savez quoi? Je suis moi là à 120 500 euros. Donc ne lâchez pas la rampe, continuez comme ça. On est là évidemment pour vous distraire, pour passer des bons moments, vous amener des anecdotes, des souvenirs, vous faire vivre tout ça. Mais n'oublions jamais que le but de la chose, c'est quand même que ça va à ceux qui en ont besoin. Plus il y en a, plus on vous raconte. Allez, allez, allez. La carotte. Allez, vas-y. Vous savez quoi? Allez, plus si y en a, plus on vous monte. Allez, vous mettez 10 000, moi je vous parle ma soeur. Et là, allez, allez. Bon, allez, allez, 15 000. Allez, à 125 000, j'enlève le haut. Voilà. Ouais, d'accord. Mais pourquoi? Parce que là, on est vraiment filmé. Hein. À 130 000, je garde le bas. Ah oui, mince, on est filmé. Ah, oui, la radio qui tient ses promesses. Vous vous souvenez de ça? Bon, alors, revenons à l'enfance. Gérard, l'importance et l'apparition de la radio dans ta vie, ça s'est passé quand, comment? Tu te souviens? Vous allez rigoler, mon père réparait les postes de radio, donc... Oh, je te le jure. C'est vrai, ça? Mais vraiment, on avait une petite boutique. Hein. René Klein, René, mon père, il était célèbre dans toute la région. Il est mort très jeune parce qu'il a fait des abus. C'était un mec vraiment marrant. Et du côté de Montmirail, dans la Marne, tout le monde connaissait René Klein. Donc, il réparait des postes de radio, si tu veux, des postes à lampe. Mais c'était il y a vachement longtemps. Hein. Et moi, je faisais les câblages. Ça veut dire que sur un ancien poste de radio, t'as un écran, vous avez un écran avec les stations. C'était des ondes longues qui étaient marquées à l'époque. Et on faisait bouger la petite aiguille. Voilà, avec tu tournais un bouton. C'est ça. Et derrière, il y avait comme des fils, un fil, un câblage. Ça, c'était compliqué à faire. Et comme c'était un peu chiant, c'est moi qui le faisais. Et donc, je soudais, je faisais des trucs avec mon père, etc. Donc, évidemment, j'entendais la radio. Mais c'est vraiment le hasard qui a fait que je suis passé de l'autre côté de la radio. Bon, mais est-ce qu'il y a quand même des programmes, des voix, comme disait Jackie tout à l'heure quand il parlait de Madame Tabouille, Geneviève Tabouille, c'est un nom de merde quand même. Tu peux me permettre. Non, je dis des gros mots parce qu'il n'est pas là, celui qui a inventé tout ça quand même. Geneviève Tabouille ne nous en voudra pas. Non. Mais de toute façon, je pense que Geneviève... Mais des enfants peut-être. Peu, Geneviève. De ce que tu écoutais ou de ce que tu entendais peut-être, il y avait des sonorités, des noms, des voix qui ont, des premières qui ont retenu ton attention, Gérard Klein? Alors, pas du tout. Non, je m'en foutais complètement, mais vraiment. Non, vraiment, on écoutait peu la radio, on n'avait pas la télé, il y avait une chaîne de télé. Mon père vendait des postes de télévision, mais il n'en a pas vendu beaucoup, hein. C'était un petit commerce, on avait des piles. Non, j'ai jamais été fasciné ni par la radio, ni par le... C'est affreux ce que je suis en train de dire. C'est la vérité, ni par le cinéma, ni rien. Ça m'est arrivé par hasard. Ah oui. J'avais une bonne nature de... Quand je suis allé au collège, si tu veux, j'ai été pensionnaire pendant 5 ans. J'ai fait en fait seconde, première, terminale. Mmh. Sauf que j'ai fait 2 premières et 2 terminales. Parce que j'étais bien... Et là, j'ai vraiment déconné, quoi. Mais bien déconné. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. Vous connaissez ça, de toute façon. T'as des potes, tu racontes des conneries, tout le monde rigole. Et puis après, complètement pas comme j'avais besoin de gagner de l'argent pour faire des études de médecine qui ont duré 1 an. J'ai rencontré Roland Dordain, donc, par l'intermédiaire de ma sœur, qui avait un pote qui connaissait Dordain, qui habitait la campagne. Et quand je suis allé à Paris faire ces études-là, que j'ai raté évidemment, il m'a dit, mais appelle Roland, tu verras. J'ai appelé ce monsieur-là, Roland Dordain. Alors, Roland Dordain, sommité du monde de la radio. Il a inventé plein de trucs. Pour ceux qui sont un peu jeunes, qui nous regardent, qui nous écoutent, là, on parle d'un dinosaure de la radio. Roland Dordain, c'est référence absolue. C'est fauteuil roulant, lui, c'est carrément les mecs portés, tu sais, par les chaises, comment on appelle, chaises à porteur. Et donc, Dordain, il m'a regardé, je suis allé voir, monsieur, il m'a regardé, il m'a dit... T'as pas l'air trop con, je te prends. C'était sympa. C'est une époque où on parlait comme ça. C'est fini maintenant. Ouais. Je dis bon. Et donc, je répondais au téléphone à Inter-Service Route. Et puis voilà. Après, je suis parti au service. Alors, Inter-Service Route, c'était sur France Inter. Hein, tout à fait. On appelait ça Inter-Service Biroute, évidemment. Parce qu'on avait énormément d'humour. Et donc voilà. Et donc là, t'avais des cadeaux. Non, Gérard, un truc à te demander. L'ambiance sur France Inter à ce moment-là, quand tu y es arrivé, est-ce que on a l'impression que c'était super déconneur, mais c'est pas l'impression que ça donnait forcément à l'antenne. Mais donc l'ambiance était vraiment comme ça, ou vous étiez un peu une exception à ce moment-là? Moi, j'étais. C'est à moi que tu vous vois là. Non, mais quand ça veut dire. Mais non, vous, c'est l'équipe. Oui, il n'y avait pas d'équipe. Voilà. Il n'y avait pas d'équipe, parce que déconner comme je déconnais moi, j'étais bien isolé. Ah oui, quand même. Ouais, en fait, tout le monde avait la trouille, c'était un truc très rigide, tu le sais. De c'est toute ça, façon. Voilà. Ouais. Mais Gérard, justement, a toujours eu cette particularité. Moi, ça m'est arrivé d'aller sur l'INA regarder quelques vidéos, parce qu'il était filmé avec Jean-Michel Brosseau, qui était ton réalisateur. Bien sûr. Quand tu faisais la matinale, où les gens appelaient pour choisir un titre. Voilà. Et Gérard était spontané, alors que avant il y avait eu Gérard Cyr qui avait réveillé toute la France. Oui. Avec sa voix grave, magnifique, hein, il faut dire quand même. La voix de Gérard Cyr. Le magazine de Pierre Bouteiller. Oui. Pierre Bouteiller, bonjour. Enfin bref. Radioscopie, Jacques Chancel, tout ça. Mais Gérard, c'était l'exception. Oui. C'est-à-dire qu'il était un peu le trublion de France Inter, quoi. En fait, il y a un bonhomme qui avait commencé, mais là on va trop loin dans la caverne. Qui s'appelait Maurice Gardette, mais c'était dans les années 40 ou 50, qui était bien arrangé. Il ressemblait à l'un des frères Marx avec la touffe de cheveux comme ça. Les Marx. Et Maurice Gardette, quand il m'a entendu faire de la radio il y a longtemps, il m'a donné son micro, qui est un Mélodyne, sur lequel c'est marqué. Donc tu pleures. Le mec, il te donne ça, tu vois, il m'a dit, Gérard. Cadeau, hein. Il n'y a que toi qui vas faire comme moi. Enfin, en gros, tu vois. Après, il y a eu Maurice Birot. Maurice Birot sur Europe. Et Maurice, quand il a arrêté, moi, je pleure en disant ça, tu vois. Il m'a embrassé, il m'a dit, Gérard, continue. Vas-y, prends Donc ces deux mecs-là qui étaient vraiment des déconneurs à la radio, puis des vedettes, tu vois, des personnes généreuses. Moi, j'étais ému, touché, et c'est comme ça que je fais de la radio, comme on se parle depuis ce matin. On est là, on boit des cafés, on discute, on se rencontre. C'est très important, puisque c'est essentiellement humain, la radio, tu le sais, de toute façon. C'est on est arrivés tous les trois, on se regarde, et on sait qu'on a tellement de trucs dans notre tête, c'est de l'émotion pure, la radio. Pour c'est moi, le média, hein. Média de la proximité. On est contents, on est tous les trois, on est contents d'être là. Alors, vous voyez, j'ai posé une question sur tes premiers souvenirs d'enfance de radio, la seule réponse a été non, et on est tout de suite passé à autre chose. Oui, parce que ça m'a, à l'époque, à Montmirail, dans la Marne, j'avais un vélo. 5 minutes d'une bonne réponse à une mauvaise question, et on va revenir, alors maintenant, à Jackie Gallois dans un tout petit instant, parce que il y a un moment donné où on veut savoir, Jackie, ce qui s'est passé entre Geneviève Tabouy et les vrais débuts à la radio. Mais pour ça, les amis, faites comme nous, respirez un tout petit peu, on revient, et je vous propose d'écouter Ray Charles avec un des grands tubes, ça s'appelle Hit the Road Jack. Ouais. À non, parce que si vous n'aimez pas une chanson, vous dites, on la change. Hein. Nicoletta, il l'appelait Raymond. Raymond. Eh bien voilà, Raymond, sur Radio Resto. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Je vous avais dit, Vous avez dit, tu m'ouvres le micro. Voilà, merci Fred. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que la radio, c'est de l'humain, mais c'est aussi une équipe. Ah oui. Et je voudrais vous dire qu'il y a Fred qui est derrière la vitre ici, et c'est lui qui nous réalise ce matin. Intérêt à faire gaffe, hein, mon pote, parce que là, t'as des grands là. Attention, là, t'as gamin. Des pointures. Hein. Attention, non, je déconne, gamin. Hey, the road Jack, c'est la femme, elle vire son mec, elle c'est le ça. Vire. Ça veut dire prends la route. Voilà. Casse-toi, Jack. Voilà. Alors. Jackie, tout à l'heure, on a écouté évidemment avec attention l'ami Gérard, qui nous disait finalement que c'était un peu un enfant gâté, que tout lui est arrivé alors qu'il avait rien demandé. La radio, il voulait pas en faire, ça lui est tombé. Le cinoche, il voulait pas spécialement en faire, c'est arrivé. Mais ça, on va y revenir, Gérard. En revanche, est-ce qu'on peut dire que pour toi, Jackie, on peut plus parler d'une vocation et d'une envie très très farouche de passer la vitre et le micro ? Oui et non. Alors, pour tout vous dire, parce que moi, la radio, je l'écoutais comme ça, comme un auditeur lambda. Ouais. Moi, je voulais devenir contrôleur aérien. Ah, c'était ça ta vocation, alors. C'était ça. Et malheureusement, à l'époque, pour devenir aiguilleur du ciel, pour faire le concours de l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, à l'époque, contrôleur, vous portez des lunettes, ça va être compliqué. Et donc, on me dit, écoutez, non. Malheureusement. Ah d'accord, vocation cassée immédiatement. Ah, c'était, mais c'est encore. Si vous voyez un mec dans Paris qui regarde en l'air, c'est moi, parce que je regarde les avions, je les écoute, j'ai des cartes de sur mon écran chez moi, et je suis les. Enfin, bon. D'accord. Alors, ce qui fait que je suis très déçu, parce que c'était ma vie, c'est ce que je voulais faire, et peur des hasards, mes parents qui me voient très, très, très contrariés, me disent écoute, on va partir un petit peu en vacances dans le sud, ça va te changer les idées, peut-être que. Voilà. Et on part Tu as quel âge à ce moment-là? J'ai à peu près 17 ans, 18 ans. Ah oui, d'accord. Oui, le moment où tu veux que les choses se révèlent, forcément, d'accord. Oui. Bah oui. Et là, vraiment, par le pur des hasards, on part dans les Pyrénées et on va chez des amis, je vous raconte tout, qui écoutaient Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, ils écoutent Radio Monte Carlo. Et puis, il y avait une émission, 17h, 18h, Taxi, présentée par Franck Lipsic. Ah oui. Et là, je ne pourrais pas te dire pour quelle raison. Je suis tombé dingue de cette émission. Ah oui, ça a été un choc. Je suis rentré chez moi, j'ai rien dit à mes parents, et un jour, ils m'ont dit, alors, t'as pris une décision ? J'ai dit, je veux devenir animateur radio. Oh la vache ! Ça a dû me jeter un froid quand même, parce que on va aller voir le passer du contrôle aérien à l'animation de la radio, c'est pas la même chose. Mais il y a quand même un rapport. Ouais. C'est-à-dire que t'es devant un micro, tu parles à des gens... Et j'ai toujours eu l'impression d'être dans ma tour de contrôle, tu vois, et de gérer. Et alors, si mes anciens réalisateurs étaient là, c'est que j'avais des termes où, quand ils me disaient tu des annonces, je disais je confirme des annonces à 38. C'est-à-dire que je prenais des termes, ils s'en sont jamais rendus compte. Et donc je dis je veux devenir animateur radio. Ma mère dit on va t'emmener chez le docteur. Ça va se soigner très bien avec un bon psychologue, voilà. Ça ira mieux. Et c'est devenu. Alors, j'ose plus dire ça, ce que j'ai dit pendant des années. Un jour, on m'a dit faut pas comparer, mais c'est devenu une drogue. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'écoute tout. J'écoutais Radio Andorre sur onde courte. Oh là, sur onde courte. Ou sur onde moyenne à partir de 22h. J'écoutais Sud Radio, pareil, onde moyenne. Lorsque Radio Monte Carlo s'est équipé du grand émetteur en 74 sur 1400 mètres, qui était l'un des plus puissants. Moi, j'habitais Compiègne, hein, au nord de Paris. Je voulais écouter les jingles de Jean-Pierre Foucault et de Léon. Mais je bidouillais des espèces d'antennes, machin et compagnie. C'est-à-dire que il fallait que je connaisse tout. J'achetais le tout antenne, tous les bouquins, enfin bref. C'était une soif irrépressible de tout maîtriser, tout alors, savoir. Toute la famille a participé à ça. Mes grands-mères qui lisaient Télépoche et Télé 7 jours à l'époque, il y avait une page avec les programmes et tout. Tout le monde me découpait. Pour information, j'ai toujours en archive. Hein. Très bien. Et c'est devenu, je ne vivais, et je passais ma vie à ne vivre que pour ça. C'est-à-dire que je voulais devenir animateur radio. Alors, je ne vais pas faire Cosette, mais quand mes parents m'ont dit, mais écoute, nous, on ne connaît personne dans la radio, parce que de toute façon, pour faire de la radio, il faut connaître quelqu'un et tout. Enfin, mais oui, il n'y a donc, pas un cursus, un parcours net, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... À l'époque, si, il y avait une école. Jean-Philippe Alain, qui était animateur sur Europe. Et moi, j'ai toujours eu que des concours de circonstances et de belles rencontres. Et un jour, mes parents partent dîner chez des amis, et là, il y a une personne. Et, qu'est-ce qu'ils font, vos enfants, machin? Ma mère dit, bon, mon fils, il veut devenir animateur radio. On est à la campagne, on ne sait pas, machin, tout ça. Et le gars dit, mon meilleur ami, c'est Jean-Philippe Alain. Il a une école. Ah bon, vous pouvez nous donner des renseignements. Alors, il n'y a pas Internet, tout ça, à l'époque. Mais oui, hein. Bien sûr. Donc, on écrit tout. Je suis reçu par Jean-Philippe Alain, accompagné par ma mère, hein. Forcément. Oui, hein. On lâche pas le petit si facilement que ça. Non. Et puis j'ai eu la chance de faire cette école de radio et puis après de monter Énergie et puis d'être pendant 33 ans Europe 1. Voilà, puis, ça, voilà. On va reparler évidemment de vos parcours. Mais un peu comme Gérard. Moi, la radio, c'était pas une vocation. Mais après, c'est devenu un enfer. C'est ça. Il y a un moment donné où c'est devenu quand même une soif, une certaine addiction, on peut le dire quand même. Mais complètement. Non, mais c'était. Je me levais à 5h, 5h30 le matin pour écouter la radio. Et encore une fois, j'écoutais Carrefour de nuit sur Sud Radio à 22h. J'écoutais Les Bleus de la nuit avec Michel Bichebois qui réalisait. J'écoutais le week-end. Enfin, j'écoutais tout ça. Non, mais c'était bien que tu aies le droit. Parce que, alors, un petit souvenir personnel, si je puis m'immiscer rapidement, mes yeux. Moi, vous savez, j'étais très Max Meynier. C'est-à-dire que le début vraiment de mes grands chocs radiophoniques, c'était quand même Les Routiers sont sympas. Mais je vous rappelle qu'il fallait quand même aller à l'école le lendemain. Ouais. Et que j'avais trouvé un truc pour que ça s'entende pas comme beaucoup d'autres. Évidemment, je foutais le poste de radio sous mon oreiller, pas trop fort pour pas que ça résonne, mais en collant pour que ce soit un peu ouaté. Et j'écoutais Les Routiers sont sympas le soir et voilà un camion Calberson qui va pouvoir prendre quelqu'un qui veut aller à Lyon. Eh bien, il y a Roger qui est à telle station service. Enfin, c'était extraordinaire d'écouter tout ça et d'écouter la ZIC et d'écouter tout ça. Donc, c'est quand même aussi en écoutant les gens que les choses peuvent devenir une addiction, une vocation comme pour toi. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que j'avais l'impression que lorsque j'écoutais ces gens que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas non plus leur visage, je me disais, ils me parlent comme si on était copains. C'est-à-dire que c'est à toi qu'il parle. C'est-à-dire qu'il parlait à moi. Alors, j'ai écouté aussi Max, parce que qui n'a pas écouté Max Meynier? Ah bah oui. Et dans la cour de l'école, du collège le lendemain, on se disait, t'as entendu Max hier avec Lulu qui cherchait un fret? C'était irréel. Parce que dans l'absolu, ça n'avait en gros strictement aucun intérêt, à part pour les gens directement concernés. Ouais. Comment faisait-il pour qu'on ait envie de savoir pourquoi Lulu allait chercher la roue du camion? Non mais ça, c'est du talent à l'état pur. C'est les grands hommes de radio, quoi. C'est les grands concepts les plus simples. Ouais, mais c'est aussi la vie des gens. Hein. La vie des gens. GENS, quand j'ai voulu faire Va Savoir à la télé avec mon car jaune, je suis allé voir des chaînes de télévision et tout le monde m'a envoyé sur Les Roses parce que je leur disais voilà, je faisais l'Instit à l'époque et donc je voulais faire en vrai avec des vrais enfants, des vraies personnes, tu vois, le symétrique de l'Instit. Mais oui. Évidemment, la production à l'époque de l'Instit, ils m'ont envoyé sur Les Roses et toutes les chaînes de télé m'ont envoyé vraiment chier, on va dire. Ils y croyaient pas. Je leur disais, mais là, je vais aller voir des gens et je te jure, les hommes et les femmes bien habillés des directeurs de chaînes de télé me regardaient en disant, des gens? Pourquoi faire? Ouais, des animaux, quoi, en fait. Là. Et c'est Jean-Marie Cavada, heureusement, qui a pris la cinquième et qui m'a appelé. Jean-Marie, que j'avais rencontré à France Inter il y a longtemps avant. Il m'a dit, Gérard, on va déjeuner tous les deux. On était tous les deux. Et il me dit, si tu faisais de la télé, tu ferais quoi? Oh, j'ai dit, j'ai un truc, et je lui ai raconté tout. Et là, il a sauté en l'air, il m'a dit, c'est super, c'est le seul mec de la télévision, depuis, je suis vieux quand même, que j'ai vu avoir de l'enthousiasme. Tu vois ce que je veux dire? Pour un truc, en disant, ouais, c'est bien. Et on a fait Va Savoir. Mais ça veut dire que, il faut bien comprendre que ces métiers-là de radio, de télé et tout, sont absolument coupés des gens. Faut être clair. Et Max, pourquoi ça marchait? Parce qu'il est humainement, vous aussi, hein, de toute façon. T'aimes les gens. Et Max, il était lyonnais. Et donc, il avait cet accent. Et quand on parlait aux routiers, à l'époque, c'était « Alors, qu'est-ce que t'as comme camion, ton gros cul, machin et compagnie ?» Et Mac, quand il disait « Les artistes, je vous salue », tous les routiers se reconnaissaient. Tu l'imites bien. Mais il allait au-delà de ça, parce que moi, l'ado que j'étais, alors c'est vrai que j'étais attiré par ce monde de la radio, mais il me parlait, quoi. Et c'était le mec que je rêvais de rencontrer. Et oui, évidemment. Et puis, il y avait le petit générique sifflé des routiers sont sympas de Vladimir Kosma. Hein. C'est la musique de Salut l'artiste. C'est la musique du film Salut l'artiste avec Mastroianni et Rochefort. Alors, on va se faire une petite pause. On va s'éclater à l'EHPAD ce soir, les mecs. On va se raconter les souvenirs de l'après-midi. Non, je vous rappelle le numéro de téléphone du standard. T'as vu le jeune qui qui fait la technique regarde. Ouais, il imagine les, quand tu vas avoir notre âge, il regarde que les vieux raconté. Fred. Prends-en plus de Fred. Jeune. 01 850 90 600, 01 850 90 600, le site radio.restoducœur.org, l'appli Radio Resto et sur Radio Player, évidemment, c'est important. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a que le don du cœur qui est important. Bon, on a une petite photo à faire, les gars, parce qu'on vous dit tout pour immortaliser quand même le trio infernal qui est là avec vous sur Radio Resto de 10h c'est pour à Playboy midi. C'est pour Playboy, et, non ah bah évidemment, ah ouais, évidemment, c'est pour Playboy. Ouais. Et puisque on aime la route, et puisque Gérard, tu aimes la route, et toi, tu aimes enquiller les kilomètres, que ce soit dans un bus ou dans une DS jaune, eh bien, je crois que la chanson de Bernard Lavilliers est de circonstance, On the Road Again. Il est 10h46 et vous êtes sur Radio Resto, les amis. Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. N'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again. Nous étions a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again. Et voilà, alors pour ne rien vous cacher, parce qu'on vous dit tout, on est en direct de toute façon, on était avec l'ami Jean-Philippe Denac en train de parler un petit peu, je faisais les présentations. Vous ne connaissiez pas avec Gérard Klein, Jean-Philippe? Non. Et pourtant vous avez bien fait ce même métier, l'amour du spectacle et l'amour de tout ce qui fait, tout ce qui fait rêver. Et on se disait que les petites bulles de bonheur, et ben il faut de temps en temps savoir s'en souvenir et aller les chercher dans le passé, dans le présent, partout là où elles sont en tout cas. Et alors le garçon qui est venu, il a d'abord une énergie incroyable. Ah oui, ça oui. Il est humble. Oui, oui, et puis ça a été. Il s'appelle pas. Patron de radio. Et qu'est-ce qu'il fait? RTL2. Et là maintenant, Jean-Philippe, eh ben, tu vois, il fait beaucoup de choses. Alors, Jackie va pouvoir nous parler de certains aspects de son métier. Vas-y, mais c'est intéressant. Aussi, parce qu'en fait, personne ne l'a vu. Il est producteur de spectacle. Voilà, vous tous qui écoutez, vous ne l'avez pas vu entrer. Il est grand, il est. Moi, j'ai plus beaucoup de cheveux, il n'en a plus. Il a un visage qui va vers l'avant, je veux dire, tu sens que c'est un mec qui avance, oui, d'accord? Oui, mais petite c'est ça. Barbe pas rasée, bien, très bien. Il est habillé avec des bonnes fringues qu'il aurait pu acheter aux puces de vent il y a 30 ou 40 ans, mais c'est plutôt chic et moderne. Ouais. Et il a une vraie énergie, quoi. Et il y a le gens spectacle sur Michel Sardou, Je vais t'aimer. Bah, c'était vachement drôle ce qu'il lui, a dit, là. C'est lui. Voilà. Ouais, et puis là, il fait la croisière de Claude François, là. Voilà, c'est ça. Présenté par André Torrent, grand exalté, l'exalté, Claude François. Une parenthèse, 20 secondes, d'accord? Dans le métier qu'on a fait, tous les trois, et puis encore les gens, il y avait un mec qui s'appelait Jean-Paul Barkoff. Jean-Paul, il est mort. Il s'appelait Bardakoff. Et Jean-Paul me disait. Bardakoff, ça fait juif. Ah ouais, mais Dieu peut-être. Tu vois, Barkoff, c'est mieux. Donc, c'était son humour. Et ça, moi, je le dis parce que moi, ça me fait marrer. Donc, s'il y en a que ça fait pas rire, tant pis. Et donc, Jean-Paul, il était vraiment drôle, tu vois. Et il s'occupait de Claude François, entre autres, qu'il appelait Trépigne Music. Trépigne Music, tu vois, comme ça. Oui, oui, oui. Et il exaltait. Et l'exalté. Et un jour, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Ah non, mais pas. Un jour, Jean-Paul, donc Barkoff, vraiment, je l'aimais beaucoup, tu vois. Il me faisait rire. Mais rire! Et il me dit, je vais venir avec l'exalté, boire un coup, manger chez toi. J'habitais loin dans la campagne. Ouais, je dis, d'accord, si tu veux, il y avait de la neige. Et il arrive un soir avec Claude, François, l'exalté. Et l'autre, il achetait le chanteur, il achetait des vins. Moi, j'ai jamais eu les moyens, des trucs chers, tu vois, des magnums de Bordeaux. Il buvait bien, il buvait des bons coups. Oh la vache, il amène des litrons. Donc c'était un homme de goût déjà. Oui, oui, oui. Alors, bon, il n'était pas pur laine non plus, mais bon. Et il arrive et tout, oh, on boit des coups, et dans la conversation, Claude dit, j'adore les rhododendrons, tu vois, il aimait les rhododendrons. Ouais. Et là où j'habitais, dans le fond de la forêt de Rambouillet, en fait, il y avait des rhododendrons, c'était des troncs gros comme moi, comme mon corps, tu vois. Ouais, je dis, viens, je t'emmène. On prend une petite 4L que j'avais à l'époque, brrrt, et je fais quand même 300 mètres dans la forêt, neige, tout, froid, nuit. Tout seul, avec Claude François dans Bordeaux ta 4L. Mais Bordeaux avant, donc cerveau en qui marche. Et tac, et l'autre, l'exalté, il voit des tunnels de rhododendrons. Et ils sautaient en l'air, comme ça, ils sautent dans la neige, ils sautaient en l'air. Et donc, Jean-Paul Barkoff, il était mort de rire. Et Claude, il me dit, mais c'est pas possible de retendre. J'ai dit, mais si tu veux, je t'en donne. Le lendemain, j'ai appelé la dame qui était propriétaire de la maison que je louais. J'ai dit, ben, madame, voilà, j'ai un ami, il est gentil comme tout, et puis il est fou de rhododendrons. Est-ce que je peux lui en donner? Mais bien sûr, monsieur Klein, vous lui donnez ce que vous voulez. Deux camionnettes sont arrivées le lendemain ou le surlendemain, des petits camions ben, avec des mecs avec des pelles et des pioches. Ils en ont emporté je sais pas combien. Et donc, à son moulin de... Le moulin de Danemois, voilà. C'est pour ça qu'il y a les redondins. Il y a les redondins qui viennent du Clorenard. Il y a tête. J'ai jamais vu un mec aussi content. Vous voyez, les amis, il n'y a pas de secret. Pour connaître les vraies histoires, le passé, le vécu, il faut écouter ceux qui les ont justement vécu. Et j'en ai deux. J'ai deux spécimens et deux beaux. Des vrais aujourd'hui, Gérard Klein à ma gauche, Jackie Gallois à ma droite, et nous allons continuer à évoquer évidemment les souvenirs, car après tant d'années de métier et de carrière, il y en a des souvenirs. Toi aussi, tu as eu l'occasion de côtoyer comme ça, Jackie, des gens un peu exceptionnels, des gens dont le public se fait une image, parce que c'est vrai que Claude François, à part ici, personne ne l'a vraiment appelé l'exalté, si tu veux, mais Trépigne Music, ça casse pas le mythe, mais nous, voilà. Tous ces gens-là, on les voit sous un œil un peu différent parce qu'on les approche, on les voit de près. Moi, très peu. Je me souviens, quand j'ai commencé la radio, j'ai rencontré par hasard Jean Lefebvre. Ah oui. Ouais. Personnage fantastique qui était dans la vie comme au cinéma, drôle, sympathique, un peu lunaire quand même, complètement lunaire. Mais j'avoue que comme la grande partie de ma carrière, je me levais à 3h du matin, ce qui fait que je me couchais de très bonne heure et je sortais très peu. C'est-à-dire que je rencontrais très peu les artistes et puis en plus c'est pas la même vie hein, avec eux. C'est vrai qu'on est en décalage horaire avec... Et je vais le dire, mais j'ai déjà dit, je me sentais pas bien. Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais heureux derrière mon micro, derrière la vitre, avec l'équipe technique et tout. Et quand j'arrivais, on m'invitait des cocktails, des avant-premières et tout. C'était pas ton monde. Voilà. C'était pas ton monde. C'était pas mon monde. Et je me sentais pas bien. Et voilà. Donc, ouais, mais là-dessus, Gérard, j'imagine que toi aussi, les strass, les paillettes, les tapis rouges, tout ça, c'est pas vraiment ton truc non plus. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y avait parfois des moments. Moi, j'aime me coucher tôt. J'aime me lever tôt aussi. Il y avait des moments rigolos quand même où on allait à pas forcément une soirée, mais si je veux me la péter un peu, les Beatles, ils avaient fait une soirée chez Maxime. Un truc où il y avait donc les mecs étaient là, tu vois. Et ils avaient dit, venez comme vous êtes habillés. C'était en fin d'après-midi. Ah, ils ont pas dû être déçus avec toi. Moi, j'habitais à la campagne, j'étais habillé comme un clodo, mais j'avais des bottes et tout, puis je m'en fous, tu vois. Et je suis arrivé chez Maxime comme ça. Le mec, il m'a viré. Le mec, le portier, je sais pas, il m'a jeté, quoi. Et là, il y a un mec qui passe, c'était un mec Cartenet. Ah ouais? Et je fais signe comme ça. Et lui, il vient me voir et il dit, je peux pas rentrer et tout. L'autre, il a engueulé le portier et tout. Et donc, je suis rentré comme ça. Bah, ça te fait marrer. Oui. Dans ta tête, tu dis, bah, le mec, il est sympa. J'imagine que tu aimes ça. Ouais. Autre époque. Mais il faut dire quand même que tu croisais les Beatles. Salut, Polo, comment tu vas? On va prendre un café. Oui. Maintenant, quand tu vois les artistes, il y a 22 agents de sécurité. Mais bien sûr. Où on te dit, vous êtes qui? Si tu dis pas, bah, je fais de la radio, je suis un tel machin compagnie. Ouais. Attendez, on va passer un coup de fil et tout. Enfin, tout ça, c'est terminé. Oui. Les choses sont un peu différentes. C'est terminé. On peut extrapoler même, parce qu'on se dit, nous, on a la chance d'avoir la proximité quand tu fais l'interview, t'es le journaliste, t'es l'animateur, t'es en contact direct. Mais il y a un truc qui m'a sidéré. Moi, c'est la première fois où on m'a dit, tu as 5 minutes, top chrono. J'ai dit, top chrono de quoi? Et en effet, avec certaines personnalités, surtout avec les internationaux, mais quand même, tu commences ta première question, le chrono se déclenche, et ça va même jusqu'au moment où, quand les 5 minutes sont finies, t'as une sonnerie, que ce soit au milieu de sa réponse, au milieu de ta question, et c'est terminé. Alors certains sont un peu, ils sont prévenus et tout ça, certains sont quand même un peu stupéfaits, estomaqués par le côté un peu violent de la chose, mais ça peut être ça. Le contact que tu as pendant tes 5 minutes, c'est bon, mais c'est pas plus. Hein, ça a changé. Et puis moi, j'ai connu une époque où je passais dans le couloir, mes potes d'antenne étaient là, ils disaient, tiens, il y a Jackie qui passe, tiens, viens nous dire bonjour. Et je raconte juste une petite anecdote avec Coluche, qui était à Europe, et je faisais le samedi midi, Europe midi, avec Stéphane Paoli. Et un jour, la porte s'est ouverte du studio, c'est Coluche qui est arrivé avec du champagne, qui a dit, vous devez vous faire chier le week-end, je vous apporte du champagne. Pendant le journal, hein. Il a fait 2 ou 3 commentaires, comme faisait Coluche, sur l'actualité du moment. On a bu une petite coupe de champagne comme ça, c'était pas du tout prévu. Hein. Mmh. Il est resté 10 minutes, puis il a dit, bon, allez, je me casse, salut tout le monde. Voilà. Et ça, c'était une forme de radio qui n'existe plus, j'ai l'impression. On n'arrive plus, on débarque pas dans un studio à l'improviste. D'abord, on va pas à la radio si on n'est pas invité. Déjà, tu passes pas à la réception. Ah, c'est vrai. Parce que si t'as pas le badge magnétique, tu peux pas. Donc, déjà, il faut avoir été à l'Europe. On montait en courant les escaliers. Christian Barbier, qui faisait le Club Critère à 23h, Christian me racontait qu'il n'avait pas prévu que Jean-Paul Belmondo vienne, et Jean-Paul Belmondo était dans le quartier, il montait et il s'asseyait. Pas d'actualité du tout. C'était des amis. Bonjour, je suis là. Charmant chez vous. Voilà, c'est ça. Vas-y. Les gars, alors je suis obligé de vous interrompre un petit instant parce que ça va être l'heure des infos. Vous savez, il y a des choses qu'il faut respecter comme ça. Ouais. J'ai quand même juste le temps de vous dire que pour les dons, juste après, je vous dirai où on en est. Je vais rafraîchir le compteur parce que je ne l'ai pas fait depuis déjà quelques minutes. Et là, il faut vraiment qu'on est resté à 123. Ah, mais si ça a monté. 123 700. 455. Mais bien. Dites donc, allez, on peut faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Oui. 01 850 90 600. Le site radio.restoducœur.org, l'appli Radio Resto et sur Radio Player également. J'ai rien oublié, Jackie, dans le... Non, non, tu as été parfait. Je suis quand même très inquiet parce que 123 000, j'ai dit qu'à 125 000, j'ai enlevé le haut. Oui, donc commence à enlever ta ceinture. Oui, hein, on y va tout droit, tout droit. Radio Resto, il est 11h. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Les Restos du Cœur, un moyen de voir basculer son destin. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas Mchounov, j'ai 23 ans, je suis étudiant en journalisme à l'ISCP à Toulouse. De nos jours, l'inflation et la pauvreté sont des sujets qui touchent une grande partie de notre société. Prenons le cas de Wilfried, qui comme beaucoup d'autres, grâce à l'aide des Restos, a pu se sortir d'une période difficile. L'association est une grande famille. Wilfried a rencontré sa femme au Resto du Cœur, une histoire touchante qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il est aujourd'hui bénévole, voici son histoire. En fait, moi j'ai été bénéficiaire pendant un temps, et donc je me suis toujours dit que j'allais renvoyer l'appareil. Le centre est à côté de chez moi, relativement pratique aussi. Puis les gens sont très accueillants. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Donc j'ai une histoire particulière avec les Restos du Cœur. Oui, anciennement personne accueillie, la vie ne l'a pas épargné. Entre obligations financières et défis quotidiens, l'homme ne s'en cache pas, l'association fut vitale pour lui. La reconnaissance et son respect pour des personnes qui lui ont sauvé la vie sont éternels. Wilfried ne parle pas de fierté, mais de devoir au moment d'évoquer son retour en tant que bénévole, une évidence pour celui qui doit tout ou presque au resto. Il ne se voit pas partir de sitôt lorsqu'on lui pose la question, il ne compte pas ses efforts, ce qui montre son exceptionnelle générosité. Ouais, j'ai eu des coups durs. Après, j'ai eu des coups hauts et forcément des coups très très bas. Ouais, c'était compliqué. Et du coup, heureusement qu'ils étaient là. Et donc, je me suis toujours dit que j'allais renvoyer l'appareil. Une association qui prend beaucoup de place dans son cœur et dans son quotidien, même à l'heure actuelle. Depuis peu, il a retrouvé un travail, mais cela n'empêche pas de consacrer son temps au resto qu'il considère comme une partie intégrante de sa vie. Désormais, la semaine c'est boulot, le week-end c'est resto. Là en fait je suis venu voir comment ça se passait la journée, parce qu'avant je le faisais le soir à la rue, c'est plus intense que là quand même. Effectivement, le bénévole jusqu'à aujourd'hui participait aux distributions du soir. Une répartition plus intense qui demande une quinzaine de volontaires. Une générosité à toute épreuve qui pourrait être une source d'inspiration. Les restos sont un moyen de voir qu'il est possible d'avoir un monde meilleur. Arriver jusqu'à la perfection paraît impossible, mais l'association créée par Coluche il y a 40 ans montre que tout est possible. Les restos entament une nouvelle campagne et sont prêts à changer le quotidien de toujours plus de personnes. Je me dis que si tout le monde faisait ça, peut-être le monde irait mieux. Ça nécessite attirer les lauriers, quoi. Wilfried incarne l'essence même du bénévolat au Resto du Cœur de Toulouse. Avec une dévotion sans faille, il est aujourd'hui toujours là, prêt à tendre la main à ceux qui ont le plus besoin. Son engagement, profondément ancré dans une volonté sincère d'aider, témoigne d'une générosité rare et d'un dévouement qui ne connaît pas de limite. Pour Wilfried, chaque acte de solidarité est une étape vers un avenir meilleur pour les plus démunis. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. Son énergie et son enthousiasme inspirent non seulement ceux qui l'aident, mais aussi ceux qui le côtoient. Dans un monde souvent individualiste, des personnes comme Wilfried rappellent que la solidarité et l'altruisme peuvent vraiment faire la différence. Merci de votre écoute. Nous souhaitons un bon courage aux Restos pour leur nouvelle campagne. Les années sont plus dures les unes après les autres, mais les Restos sont prêts à redonner le sourire à n'importe qui. Un élan de solidarité qui dure depuis 40 ans et qui a montré que l'unité est plus fort que tout. Radio Resto, 48 heures, non-stop. Qu'est-ce qu'il a dit le jeune homme là à l'instant? Un monde un peu individualiste. Oh non, non, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Messieurs, mais ça me semble très exagéré. Exactement. Radio Resto, nous sommes là pour les Restos du Cœur, vous le savez, et particulièrement cette année, la cause c'est de penser aux plus petits. Aux plus petits, de 0 à 3 ans, on est bébé. La petite enfance. Ben oui, on comprend pas ce qui nous arrive à ce moment-là, mais on la ressent, la précarité, même si on n'est pas en âge de l'analyser. Et je peux vous dire que en 2023, les Restos du Cœur ont accueilli 126 000 bébés de 0 à 3 ans. C'est quand même un chiffre un petit peu impressionnant. Je vous rappelle qu'il faut 6 générations pour casser la reproduction de la pauvreté. Ça fait un peu peur quand on entend ce genre de choses. Donc si on peut diminuer les chiffres, c'est quand même mieux. Tu as entièrement raison, Vincent. D'autant plus qu'on est un petit peu déconnecté. Moi, je sais qu'il y a de ça quelques mois, les Restos faisaient une opération le week-end. Donc je vais faire mes courses dans une grande surface. Et là, on me dit, ah monsieur, vous voulez participer? Je dis bien sûr et tout. Est-ce que vous pouvez privilégier les couches culottes et surtout le lait pour bébé? Je trouve ça un peu bizarre. Je dis oui, pourquoi pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dire bon, moi je vais. je vois les couches culottes, déjà le prix, mais le prix du lait pour bébé, mais je n'imaginais pas, parce que ma fille maintenant elle est très grande, mais donc c'est complètement déconnecté. Ah oui, c'est un budget. Hein, C'est pratiquement 20 euros la petite boîte. Ça coûte une fortune. Ouais, ouais, et donc je comprends pour quelle raison il faut absolument aider la petite enfance, parce que ça coûte cher et qu'on sait qu'en ce moment le pouvoir d'achat est un petit peu compliqué pour tout le monde. Hein. Et puis dès le début, être confort et bien manger avec du bon lait fût-il en poudre, etc., c'est fondamental. Donc il faut aider. Oui, Gérard, tu voulais intervenir. Mais alors dans ce cas-là, il faut il faut carrément faire des deals avec la distribution, puisque le monde est géré. Ça existe. Le monde entier est géré par les marchands de ciment d'abord. Oui. Bah oui. Le pétrole. Et la grande distribution. Voilà. Donc, c'est pas la peine de tourner autour. Il y a quand même des choses, tu vois, de plus en plus, tu vas à la caisse du supermarché ou du truc ou que tu peux fréquenter. Tu peux arrondir. Quand tu ne vas pas, voilà. Tu peux arrondir. Et puis, il y a aussi les gens qui viennent te dire, on fait des opérations spéciales, justement, pour certaines personnes défavorisées. Ouais. Est-ce que vous voulez pas acheter un produit en plus que vous nous donnez à la fin? Et ils te disent, ce serait plutôt ci, ou plutôt ça, ou plutôt pour les enfants, comme ça t'est arrivé. Ouais. Et ça, heureusement qu'ils jouent le jeu aussi. Ça n'entache pas leur marge, hein. Ça, on peut être tranquille. Non, mais ils le font quand même. Ils le font et c'est important. Voilà, on peut trouver des bons interlocuteurs sincères, à mon avis, dans la grande distribution. Déjà pour que ce soit moins cher. Arriver à vendre ou trouver une combine pour que les Restos du Cœur paye ça moins cher. Pas du tout. Ouais, puis il faut pas oublier une chose, c'est que Coluche, lorsqu'il a lancé sur Europe cette idée de Resto du Cœur, c'était pour 6 mois, 1 an. Oui. C'est ce qu'il croyait. On préférerait être entre nous aujourd'hui sans être à la radio pour se dire tout ça. Ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin des restos. Mais puisqu'on est là, autant le partager avec vous. Bon, on écoute une chanson des Enfoirés, comme toujours en début d'heure, pour bien se souvenir pour qui et pourquoi nous sommes là. Et ensuite, encore souvenirs de radio, il va y en avoir avec Jackie Gallois et avec Gérard Klein, deux invités aujourd'hui sur Radio Resto. Et finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Parce que le temps qui court, change les plaisirs. Et que le manque d'amour nous fait vieillir. C'est le temps qui court, court, et toujours le temps qui court. Mais il y a des moments où on se demande si le temps court ou s'il est même en petite foulée, parce que quand je vois qu'il est déjà 11h11 minutes sur Radio Resto, qu'on est ensemble depuis un petit peu plus de 1h10, je me dis qu'en effet le temps court. Un dernier petit regard sur le tableau et ensuite on revient, on parle de la radio ensemble. Alors je rafraîchis la petite chose ça pour vous dire vachement bien, que je trouve, ouais. Ça rafraîchit bien, ah ouais. Un peu trop pour toi, t'as remis, non, j'ai remis la chemise. La chemise là, ouais. Alors attends, ça a monté, ça monte. On est à 124 515. Monte pas vite, les gars. Il n'est pas question que nous quittions cette antenne sans que Jackie Gallois soit torse nu, puisqu'il a dit qu'il enlevait le haut à 125 000. Bah, 130. Je ne sors pas de là. Bah, ça y est, ça y est, il commence. Ah, non. Dégonflé, mais dégonflé. Non. Alors, revenons à la radio. J'ai deux cadors avec moi et je veux des petits secrets de fabrication. Je veux savoir exactement comment ça se passait parce que on a parlé de votre vocation, on a vu tout à l'heure que ça l'était plus ou moins, que parfois ce sont des concours de circonstances ou des coups de chance qui font qu'on y arrive. Mais Gérard Klein, Jackie Gallois, est-ce que à un moment donné, quand on commence à en faire de la radio et qu'on est sur une grosse station, qu'on est sur un gros média, comme ça a été votre cas très rapidement, à partir de quel moment est-ce qu'on commence à prendre goût au micro ? Oh bah dès le premier jour. Ah, moi j'ai démarré sur Énergie 15 juillet 81, j'ai lancé la radio avec toute l'équipe et c'était un bonheur. Et ce qu'il y a de bien, c'est que moi j'ai fait partie de l'équipe en 1981 de la création des radios libres, où là il y avait les encore, pionniers, hein. Ouais, mais il y avait cette ambiance familiale, sympathique. Moi j'ai vu des gens arriver, taper à la porte du grand studio Énergie qui faisait 10 mètres carrés, tu vois. Et le gars disait, alors nous on faisait croire qu'on avait 600 mètres carrés et tout, et le gars bien disait, sûr. C'est pas là, Énergie. Si, si. Ouais. Ah bon, il y a que ça. Rentre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais faire de la radio. T'en as déjà fait? Non. Qu'est-ce que tu fais samedi après-midi? Bah, rien. Bah, viens. Et ça, c'était fabuleux. Mais ouais, ça. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que le succès des radios libres en 1981, c'est que les auditeurs ont retrouvé, lorsqu'ils avaient Europe 1, RTL, cette proximité, cette gentillesse, ce côté familial du copain qui passe, qui fait « Tiens, viens, machin, viens boire un coup et tout. » Et puis à l'époque, on pouvait fumer, on pouvait boire un coup. Je ne dis pas que c'est bien. Hein, si on le fait avec modération, ça ne devrait pas poser de problème. Mais on ne peut plus. Et donc, on faisait de la radio. On était chez nous, quoi. Et je pense que j'en suis même convaincu que 1980, le succès des radios libres, en dehors de passer que de la musique en FM, confort sonore, ça a beaucoup joué, évidemment. Et puis, tu sais quoi, on n'était pas bons, mais les auditeurs se reconnaissaient. C'est-à-dire que le cher auditeur, là, c'était je pense que j'ai dû me tromper ou je viens d'enlever le disque. Désolé. On le remettait, ça craquait. Et oui, évidemment. Il a raison. Alors, Gérard, toi, tu as commencé, si je puis dire, directement dans le grand bain. Tu nous parlais de France Inter. C'est vrai, c'est ça. Quand les Américains sont partis. Le goût est venu, tu t'es dit à un moment donné, mais c'est génial ce job. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Non. C'est la même chose que pour Jackie, enfin, peut-être pour toi. En fait, Dordain, je suis rentré de l'armée, donc ouais. Je suis allé revoir le même bonhomme, le monsieur Dordain, qui m'avait fait travailler au téléphone. J'avais toujours pas de sous et je lui ai dit, ben voilà, je suis rentré hier de l'armée. Il m'a dit, ah, pas de problème, tu retravailles et tout. Le lendemain, je gagnais 15 euros, 10 euros, mais j'en avais besoin, si tu veux. Et très, très vite, il m'a dit, tiens, il y a des radioguidages à faire. Genre, t'es à Montlhéry, il y a radio des embouteillages, guidage. C'était le bordel, il n'y avait pas les autoroutes comme aujourd'hui, tu vois. Oui. Et là, je me suis retrouvé au bord de la route, je ne sais plus où exactement, avec un micro, debout, devant un embouteillage, et un casque, c'était la première fois, tu vois. Et là, j'entends une voix, c'est Lordain qui dit, alors, de Paris, machin et tout, Gérard Klein, vous êtes au bord de la route et tout, et je vous jure que c'est vrai, j'ai eu une demi-seconde de trou, de tout, de rien, t'as peur, mais t'as la peur de ta vie. Hey. Et j'ai répondu, et je n'ai plus jamais eu peur de ma vie. C'est un drôle de truc. Passer cette demi-seconde, ah, tu veux pas savoir. Ça a effacé un vide, comme si tu fais un AVC. Et tac, et j'ai plus jamais eu peur de ma vie, mais jamais, à chaque fois. Moi, ça m'excite. Quand t'as un micro, c'est excitant, en fait. Tu vois, mais alors, dites-moi, ce que vous regarde, êtes... Jackie, il me regarde, il a raison, il fait la même tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on parle aussi du direct, là. Parce que. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Oui, attention, c'est important. Des émissions enregistrées, on en a tous fait. Mais ce que j'entends de quand je vous écoute là, vous me parlez de la radio en direct. Bah, ça, c'est la radio. Bah oui. Enfin, la radio. Bah, nous, c'est la radio. Et à l'époque, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il y avait des émissions. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'on démarrait, quand on démarrait, c'était l'été, avec des nouveaux programmes, qu'on testait les voix, on testait les émissions et tout. Et le direct, le direct, il y a quand même ce côté que quand le rouge se met, c'est un métier, c'est quand même un métier qui est très bizarre. On est dans une pièce, on a un micro, on a deux personnes derrière ou une personne là, et puis on parle à des gens qui te répondent pas, que tu ne vas jamais voir, et t'es heureux. Enfin, c'est quand même un truc. Et tu dis bonjour. Je sais pas. De temps en temps, on peut en avoir un au téléphone. Si on fait un peu d'interactivité, un peu tout ça. Il faut. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais à l'époque, moi, j'avais des gens au téléphone. Gérard, ça se fait encore. Moi, je peux dire. Mais moi, il y avait pas de filtre. J'ai des auditeurs au téléphone. On les a. Mais il y avait pas le filtre de 5-6 filles étudiantes qui vont filtrer, écouter le mec. Il fait un discours, vous appelez pourquoi? J'en vois une juste devant nous, là, derrière la vitre. Il y a Shannon qui est là. Elle a bossé avec moi pendant quelques temps sur RTL. Elle était au standard. Et je peux te dire, c'est vrai que, mais c'est des filtres ravissants et filtres agréables quand on est auditeur et qu'on a Shannon au standard. La personne qui a un truc à raconter. Bien. Voilà, si c'est une connerie, un truc vraiment spontané, ne passera pas à l'antenne. Alors que moi, je privilégiais évidemment les gens qui racontaient des conneries. Aujourd'hui, c'est très difficile dans la mesure où on a peur du gars ou de la fille qui va parler politique, cul ou les trucs de ce genre-là, tu vois. C'est regrettable, ça vaudrait le coup de prendre le risque C'était bon enfant, la radio. En dehors de l'antenne, vis-à-vis des auditeurs, c'était bon enfant. Et à l'intérieur même de la station, tout ça, c'était la famille. Moi, je me souviens, pendant mes 33 ans Europe 1, pour moi, la station, c'était quelque chose de sacré. Ça en a même coûté. Même coûté ma vie privée, puisque j'ai. Voilà. Bon. Surtout quand on fait les petits matins et les tout petits ça. Les petits matins, ça, j'ai fait les week-ends, j'ai fait les jeux de l'Europe Stop, j'ai fait. Mais Europe 1, mais c'était valable pour tout le monde, c'était notre station. Alors, il y avait ce qu'on appelait une petite guéguerre entre RTL, Europe. Mais on se voyait en dehors de la radio. Mais et oui, tout ça. Et puis c'est très positif, cette émulation, de toute façon. Hein. Mais encore une fois, cette notion de. Moi, je me souviens, je faisais la semaine, je passais le week-end sur les Champs-Élysées, pour moi, c'était obligé d'aller saluer l'équipe du week-end. Il y avait Siegel, le patron ? Ah non. Moi, quand je suis arrivé, c'est Philippe Gildas qui dirigeait l'antenne. Et puis, j'ai été coaché par Jean-Marie Pantalacit. Tu citais ton Réal, Marcel Courtois. Le corps sauvage, je l'avais appelé. Ouais. Tous ces gens-là qui m'ont appris énormément. Parce qu'encore une fois, c'était pas le petit jeune qui arrive de la FM, là. C'est t'aimes bien Europe ? On sent que t'aimes bien Europe. Viens avec nous dans la famille, parce que on va travailler comme ça. Alors, faut pas non plus être complètement négatif, parce qu'il existe encore des stations de radio où ça reste encore bon enfant. J'en sais quelque chose. Mais bien sûr. Chez nous, il y a toujours cet esprit RTL, maison. Bien sûr. Juste pour dire que moi, je continue de la radio, j'ai de la chance, parce que je suis sur une radio pour les seniors qui s'appelle Millésime, que je fais 7h-10h, et il y a encore ce côté bon enfant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive dans le studio, comme Max Lafontaine, qui a été RTL, à Europe qui passe, je vais dire tiens Max viens faire un petit coucou et tout. Et on l'a vécu chez Airshow avec Arnaud Cobby, parce que moi j'ai fait une émission avec Gérard Klein, parce qu'Arnaud avait ce chic quand il était sur Paris de faire des émissions en direct depuis un restaurant. C'était bien. On a fait une spéciale Europe 1 avec Gérard, avec Anissa Haddadi qui sera là cet après-midi, et il y avait du public, tu te souviens? Très bien. Et d'un seul coup il y a quelqu'un qui arrivait, que je disais tiens, c'était pas prévu au programme. Il s'installait, Arnaud lui disait prenez un micro, prenez une chaise parti. Et ça continue encore comme ça sur certaines stations de radio, d'où le succès d'ailleurs de ce genre de radio sur le web, sur le digital, que les gens se retrouvent dans cette familiarité, dans cette proximité, comme tu disais Vincent. Voilà, exactement. Alors c'est ce que nous faisons là, parce qu'on a un peu l'impression d'être comme à la maison, chez toi, chez quelqu'un. On bavarde, on se rappelle aussi les bons souvenirs, et on va faire, Jackie, une petite parenthèse par rapport à la carrière de Gérard. Et d'abord, alors Fred, tu vas surtout, même dans les premiers instants, les premières secondes du disque qu'on va balancer maintenant, tu vas laisser le micro de Gérard ouvert. S'il a envie d'intervenir, il va le faire. On va écouter quelque chose, ça s'appelle Le Robot Masseur. Oh, c'était des playbacks de Philippe Laville, qui l'avait pas enregistré. Et donc on m'a proposé de chanter. Et Délicat s'appelle Le Robot Masseur et ça fait « Si vous avez, madame, un peu de vague à l'âme, appelez-moi, je suis votre homme. » Écoute la chanson. On écoute la vraie. « Un petit coup de main, appelez-moi, je suis votre homme. Je suis un robot masseur, je prodigue en douceur et jusqu'à satiété, caresse et volupté. Je suis au point, en tout point, j'ai presque l'air humain, robot perfectionné pour femmes les laisser. Si vous avez, madame, des insomnies parfois, appelez-moi et je suis votre homme. Pas la peine avec moi de prendre, croyez-moi, du Librium ou du Valium. Je suis un robot dormeur et j'endors à toute heure. Je sais tranquilliser ce degré là-dessus et je sais apaiser. Je suis en point, en tout point, j'ai presque l'air humain, robot perfectionné pour les cœurs angoissés. La la la la la la, dis la dame, la la la, appelez-moi, je suis à votre homme. La la la la la la, dis la dame, la la la. Et dis donc, rigolo, mais ça a l'air d'être la bamboula, là. À la fin de la chanson, ça part complètement en vrille, là. En fait, c'est des playbacks qui c'est étaient. C'est quoi ces chansons, Gérard Klein? Des playbacks qui avaient été inutilisés, en fait. Et je me souviens plus comment elle s'appelait, la fille. Elle m'a dit, tu veux pas chanter? Je dis, ouais, si tu veux. C'était chez Barclay, je crois. Et donc, il y avait ça, et derrière, c'était, j'aime Paris, tout en gris. Non, tu sais, avec le, façon Guy Marchand, avec oui, le nez bien un ouvert. Un peu crooner, hein, ouais, comme ouais. Ça, ouais. Et, mais c'est tout. J'ai fait, dans chaque radio, je faisais un disque pour me marrer. Et tu sais que moi, j'ai cru pendant des années que lorsque Gérard faisait Mélodie Parade sur Europe 1, ouais. Son indicatif, j'ai cru, mais pendant des années, que c'était Gérard qui chantait alors que c'était Bob Dylan. Ouais. La la la la la. Attends, ça s'appelle Wigwam, ça c'est magnifique. C'est surtout, moi je le crois et encore. Et alors, attends, j'ai toujours été persuadé que c'était pas toi. Alors Jean Farand, vous vous souvenez de Farand, qui était patron d'RTL? Farand, un bonhomme qui s'appelle Jean Farand, l'un des directeurs innombrables. Ouais, mais dans le métier, des fois, on met des statues à des gens. Bon, c'était le patron, on va dire. Il m'a viré un jour, c'était rigolo. Mais avant qu'il me vire, un jour dans le couloir, il me dit, ah Gérard, il m'a dit, vous chantez bien. Alors, je dis, ah ouais, chante bien, ouais. Mais si, il me dit non, votre indicatif. Et ouais. Donc c'est Wigwam, c'est comment, c'est Dylan qui est lié. Elle s'appelle comment, Gérard, cette chanson de Wigwam, W-I, comme un Wigwam d'Indien. D'accord. C'est un truc instrumental. Fred, tu peux pas essayer de nous trouver ça, de nous trouver Wigwam de Bob Dylan pour qu'on en écoute un petit bout. Et cette voix, ça, nous, on va parler d'autre chose pendant ce temps-là. Hyper facile, parce que t'as des grandes plages et tout. Ah, j'étais sûr. Alors là, tu me scies, Jackie. Très important, les indicatifs. Ah, bien sûr. Bien sûr. Très important. Oui. C'est la mise en bouche. Mais Gérard, mais pendant des années. Et puis quand je l'ai croisé un jour à l'Athénien, on a bu des coups ensemble, et je lui dis, oh, Gérard, j'ai dit, Gwen, c'était bien ta voix et tout. Il me dit, pas moi, gamin. Ouais, c'est drôle. Hein. J'ai toujours été persuadé. Mais je trouve ça marrant. Hein. Gérard, Jackie, je vous arrête une petite seconde. Et c'est qui, là? Je viens d'arriver, là. Eh ben justement. C'est qui, toi? C'est la jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui on a bossé ensemble sur RTL et qui a fait mon standard sur les matinales de temps en temps. Donc, peut-être un petit point, si tu veux bien, Shannon, sur où est-ce qu'on en... J'ai vu que déjà, on a passé les 125 000 euros, là. C'est génial. Et je vais inviter nos auditeurs de Radio Resto à continuer à faire des dons. T'as vu, elle a la voix vachement. Là, regarde. Là, elle est un peu gênée, un peu intimidée. Mais dans la vraie vie, quand vous voyez parler derrière, elle ne parle pas comme ça. Hein. C'est parce que c'est vous. Allez, vas-y, on voit. 125 915 au dernier comptage. Comment peut-on faire? Et donc, il est à poil, notre camarade. On met la musique de 9 semaines et demie et Jackie se déshabille. Et on remonte la clim, il ne faut pas qu'il s'enrume. Pas devant Shannon, c'est une jeune fille. Non, Shannon. Vas-y. Allons-y. Déjà, pour faire des dons, je vais vous inviter à aller sur notre site. Mmh. Oui. Tiens, regardez, il est là. Voilà. Alors, c'est le site radio.restoducœur.org. www. Absolument, pas de W. Ou bien sur l'application Radio Resto et sur Radio Player. Mais Et redonne-nous le numéro du standard également. Alors, le numéro du standard, c'est le 01 850 90 600. Marie-Pierre vous attend avec une grande impatience. Impeccable. Et généralement, on répète deux fois le numéro de téléphone pour que ça soit bien absolument imprimé. Il y a celui qu'on écoute et celui qu'on peut noter après. Ouais. Et c'est un vieux truc de radio. Vas-y, Shannon. Alors, je vais demander à nos auditeurs de bien écrire. C'est au 01 850 90 600. Voilà. Ah. Et je peux vous dire que nous sommes là à 125 945. Ouais. Autant dire que les 126 000, c'est pour dans quelques secondes. On compte sur vous. Alors, on va une petite halte musicale et ensuite, avec Gérard, on va parler d'un truc un peu particulier. Je veux qu'il nous raconte cette aventure de comédien. Un peu quand même. Ouais. Parce que. Alors là, les gars, il est trop modeste. Moment, hein. Non, tu vas nous résumer ça, mais il a fait des belles choses à l'écran et je voudrais qu'on en parle un peu. Voici Lips Inc. avec le célèbre Funky Town. Tu te souviens de ça, Jackie? Oh bah, c'est top, hein. Ah, bien sûr, c'est Jackie Funky. Et ben ouais. Voilà, Jackie Funky, Funky Town, évidemment. 11h26 sur Radio Resto. Lips Inc. Funky Jackie Town en quelque sorte. Ça c'était énergique. Vous l'avez diffusé cette chanson-là. Oui. Funk à l'époque. Mes amis, écoutez-moi bien. Je vous rappelle, si besoin était, si vous nous rejoignez en cours de route, que nous sommes sur Radio Resto avec Jackie Gallois et Gérard Klein. On parle de radio depuis 10h tout à l'heure et pendant une petite demi-heure encore. Mais document qui va rappeler, alors ça sera peut-être une découverte pour certains, mais ça va rappeler des souvenirs incroyables à beaucoup d'entre vous. Fred, envoie-nous ça, s'il te plaît. Oh putain. C'est pas moi qui ai parlé. Hein. Ah, ça c'était indicatif, hyper facile. Et donc c'était genre jeudi matin, bonjour, hein, il est 9h15. L'intro elle est longue. Voilà. Donc, tais-toi, Gérard, on écoute ta voix. Oui, t'as raison. Mais pour moi, c'était lui. Je me suis jamais posé la question de me demander si c'était quelqu'un d'autre que toi, Gérard. Non, c'est Dylan. Incroyable. C'est Robert. Il faut que j'arrive à Radio Resto aujourd'hui, samedi à 11h31, pour découvrir 40 ans plus tard. Oui. Et tu sais quoi ? C'est la même voix. Je me suis même certains jours demandé si tu le faisais pas en direct dans le studio, le truc. Ben, j'aurais pu. Ça aurait pu. C'est un très bon indicatif. Merci beaucoup, Fred, de ce document. Encore. On peut parler dessus. Robert ne dira rien, il n'est pas là. Mais on a eu les poils un petit peu là-dessus. Hein. Moi aussi, c'était. Alors, dans la carrière de Gérard Klein, il y a évidemment la radio dont on parle depuis tout à l'heure. Regarde, Gérard, là, pour une fois, tiens, c'est pas mal qu'on soit filmé parce que je vais vous montrer quelque chose. Moi, vous savez, je suis cinéphile, collectionneur. Ah, mais t'es un malade, toi, de cinéma. Mon cas est totalement désespéré. D'ailleurs, je crois que depuis hier, il y a un nouveau livre. Ah oui, mais non, mais on est. C'est pas, on ah est oui, pas, oui, on dis-moi, ça. Pour les 90 ans de Brigitte Bardot. Oui, j'ai commis un bel album sur les 90 ans de Brigitte Bardot. Et voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors juste une petite parenthèse. Regardez comme il prend le créneau. Il y a une autre star qui demain va me mettre une petite bougie en plus sur son gâteau. C'est ton anniversaire demain. C'est Monsieur Klein. Presque au mois d'octobre, dans quelques jours. Ah ouais, voilà. Mais j'ai 82 mois. Voilà. Souviens-toi, Gérard, que je maîtrise plus du tout ce qui se passe là, mais je me laisse porter au gré du vent, parce que souviens-toi. Mais t'as vu, jusque-là, on a été vachement disciplinés. Hein. Dans RTL, petit matin, week-end, Gérard, l'année dernière, je t'ai appelé le jour de ton anniversaire. Oui, c'était extra, j'étais en Auvergne. Et c'est ça. Et il était 5h moins le quart du matin, il était déjà au petit déjeuner en train de manger du pâté. Tu m'avais dit, ou des rillettes. Le matin, c'est bien de manger quelque chose de consistant. Ouais. Là, par exemple, ce matin, à 6h, j'ai mangé des œufs, des fromages, très très bon, du pain grillé, du vrai pain grillé, exactement, et puis voilà, et c'est important. Ça fait quasiment un an qu'on a fait ça, bref. Alors, si vous voulez bien, je reprends le cours de ce que j'étais en train de vous raconter. Je suis assez collectionneur, on l'a compris, elle est et top. Je suis allé jeter un petit coup d'œil dans les archives, et voilà, j'ai retrouvé ça. Oh la vache, c'est bien. Ça, c'est le dossier de presse original d'un film qui s'appelle Les Cavaliers de l'Orage. C'est un très beau film de Gérard Vergès, avec Vittorio Mezzogiorno, avec Marlène Jobert et avec Gérard Klein. Regardez, ça, c'est ce qu'on remet à la presse. Ça, c'est le cas encore aujourd'hui. Alors maintenant, c'est dématérialisé. Ça s'appelle le dossier de presse et les journalistes étudient. Il y a des interviews, on sait de quoi parle le film. Et puis, moi, je vois, regardez. Ce bout qui nous regarde ma tête, toi, la fille. Regarde, Shannon, la tête du héros de cinéma qui est en train de se battre, Gérard Klein, de la radio au cinéma. C'est ce qu'il y avait sur la page. Alors, quand même, reparlons rapidement de cette carrière de comédien. Il y a eu l'Institut, bien sûr, qui a été une expérience extrêmement populaire. Mais d'abord, il y a eu le Cinoche. Il y a quand même eu, au tout début, La Passante du Sans-Souci, où tu donnes la réplique à Romy Schneider. Voilà. Alors, ça aussi, ça s'est fait. Pas vraiment par hasard. Je vais la faire courte, quand même. En fait, j'avais fait des essais pour L'été meurtrier, avec Jean Becker. On l'appelait Jeannot, à l'époque. Et Jean Becker avait dit à son producteur, c'est lui, en parlant de moi, pour faire le rôle de Pimpon. Eh oui. Donc avec Françoise, ma femme, qui est la même depuis plus de 50 ans, on était vachement contents, vu qu'on n'a jamais eu de sous, si tu veux. On s'est dit, c'est bien, la radio, ça va, ça vient, tu vois. Oui. Je me suis fait virer, pas virer, plus virer, etc. Bon. Et donc on était vraiment embêtés. Et Jean Becker n'a pas trouvé la fille, en fait, pour faire le rôle, etc. Et puis, il semblerait qu'Isabelle Adjani l'ait appelé en disant, OK, je fais le film avec Elle voulait à tout prix le faire. Voilà. Donc c'était très bien. Et ça a été Alain Souchon qui a fait le rôle de Pimpon après. Ouais. Et à ses essais assistait donc Dominique Besnard, qui a dit à Françoise, ma femme, celui-là, je le ferai tourner un jour. Il a dit à Françoise, je te jure. Et alors, nous, on rigolait et tout. Et je me retrouve à France Inter, complètement par hasard, parce que Jean-Pierre Farkas, qui était un mec formidable, me fait revenir à France Inter. Et donc, heureusement, ça nous sauve la vie. Et là, un bonhomme qui s'appelait Jacques Rouffio appelle en disant grand réalisateur, Jacques Rouffio, grand réalisateur du cinéma français. Parce que Dominique, en fait, je dois tout à Dominique. Dominique Besnéard lui avait dit, mais il cherchait quelqu'un pour faire le rôle de Morgue Bouillard dans le film et tout. Et Dominique lui a dit, j'en connais un, c'est Gérard Klein, etc. Donc c'est Dominique qui m'a branché entre guillemets sur Rouffio. Et dans mon studio, dans le studio où moi j'écoutais à fond, c'est pour ça qu'on n'entend plus rien après quand t'es vieux, j'écoutais à fond, tu vois, et je voyais dans la technique derrière une fille toute petite avec un imperméable, Claire Denis, Frau Denis, et un mec assez grand, plus vieux, Jacques Rouffio. Et mais elle, il me regardait, tu vois, je savais pas qui c'était. Et moi, quand j'étais dans la radio, j'étais dans la radio. J'écoutais tout, les pubs, les machins, tout, comme la personne qui écoute la radio. Ouais. Tout. Et puis à la fin de l'émission, je sors, je rentre, je vois, je dis bonjour. Et tout. Et lui se présente et la dame se présente en disant, je m'appelle Claire Denis, voilà, je suis assistante de Jacques. Et il commence à me raconter, on peut déjeuner ensemble. Je dis non, moi je rentre à Oudan, moi. Donc, je dis, bah, je rentre chez moi. Je te jure. Dis, on va boire un coup. Donc on a bu un coup dans le bistrot à côté. Et il me raconte l'histoire qu'il voulait faire des essais avec moi pour un film. Alors moi je dis ouais. On a fait des essais, j'en avais fait avec Jean Becker qui trouvait que c'était moi. Et il m'a pris pour le film. Et voilà, l'a fait courte. Et quel film ? La Passante du Sans Souci, Romy Schneider, Michel Piccoli, etc. Et d'ailleurs, ça a été très remarqué parce qu'il y a eu du César dans l'air. Hein. Voilà, j'ai été nommé pour avoir un César du meilleur second rôle. Mais oui. Et puis c'est Jean Carmet qui l'a eu, ce qui était très très bien. Mais moi, du coup, j'avais rencontré Frau Schneider, l'Autrichienne, et Piccoli et Michel, avec lequel on s'entendait vraiment bien. Et alors, parce que évidemment, ce sont deux mondes complètement différents. Studio de radio et un plateau de cinéma, c'est plus du tout la même proximité, la même intimité. Ça t'a plu, ça, des gros plateaux comme ça ? Alors, pour être franc, je pourrais dire non, mais pour être franc, je pourrais dire oui quand même. C'est-à-dire que c'est très compliqué, c'est incertain quand tu travailles avec une vedette comme elle, Romy Schneider et Piccoli, c'est des grandes stars, tu vois. Bah oui. Donc là, tu tombes dans une forme de cinéma confort. Confortable, oui, c'est de la avec grosse production, du blé, bien des sûr. Beaux hôtels, des machins, donc c'est bien, etc. Mais en même temps, c'était tellement agréable avec elle et avec lui et que ça te donne envie de le faire, quoi. Alors, je reviens, Gérard, je reviens une seconde sur ce film, Les Cavaliers de l'Orage, qui est un très très beau film. Ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale, vers 1914. Mais surtout, là, il y a un vrai travail d'acteur, parce que non seulement il faut apprendre à se battre, il faut être très sportif et faire du cheval. Et à ma connaissance, c'était pas du tout ce que tu savais faire à l'époque. Pas vraiment, non. Donc Mario Luracci, qui est le meilleur au monde quand même pour les chevaux, mais Mario m'avait prêté deux chevaux. La maison où j'habite, elle est grande, donc il y avait encore une écurie dans laquelle j'avais logé les deux chevaux. J'avais préparé l'écurie, j'ordonnais à manger, je faisais le fumier, les machins, c'est vraiment mes animaux. Ouais. Tous les jours, il y avait un mec qui venait dans la cour, on avait rentré 600 mètres cubes de sable à lapin. Je raconte hein, quand même. Donc tous les jours, avec, je l'appelais maître, on rigolait bien, je me tapais le cul sur l'un des deux chevaux pendant 6 mois. Ah oui, quand pendant même. 9 mois, j'ai préparé ce film-là. Comme on n'avait pas d'argent, j'ai dit à Tarak Ben Amar, qui était le producteur, quand on a signé, j'ai dit, mais moi, j'ai pas de blé, je pourrais pas tenir 9 mois. Est-ce que tu peux me payer au mois? Donc, il m'a payé au mois pendant tout le film, pendant 1 an, si tu veux, 9 mois, plus 3 mois de travail où il y avait des combats, donc avec des catcheurs. Il y avait 9 combats avec des vrais catcheurs. Et donc, c'était super, quoi. On a bien rigolé. Et on est parti, donc, après, j'arrête. Pas d'objection, votre honneur. Ah, non, continue, Gérard. On est parti 3 mois tourner le film donc dans l'ex-Yougoslavie, en partant de l'Italie jusqu'à l'Albanie. Donc les décors changeaient tout le temps, c'était absolument magnifique. Et comme avec ma femme et 3 de nos enfants, je ne voulais pas les laisser, 3 mois c'est long. Donc on avait Marie-Pierre, Mélie et Ninon. Ninon, elle avait 1 an et demi, 2 ans, il n'y avait pas de couche. Donc elles étaient cul nues dans le fond de la campagne de la Yougoslavie, c'était formidable. Et pour ne pas aller en avion et tout, avec toujours Françoise, j'ai dit mais on va y aller en DS. Et donc j'ai la photo dans mon téléphone. La DS jaune ? Non, une autre. Ah bon ? J'ai la photo. Ah oui. C'est un pote qui l'a retrouvée. Donc j'ai acheté une DS à un pote, le père Guérin qui était carrossier. pas cher, tu vois, une DS. Et il m'a dit, mais t'es sûr, je ne suis jamais tombé en panne avec une DS. Jamais de ma vie. On est parti 3 mois avec la caisse. Il y avait 2 cantines dans le coffre avec des couches, du Nescafé, des trucs. Et on est parti 3 mois. L'aventure, c'est l'aventure. Magnifique. Ah oui. Alors, et quand on trouvait pas où dormir, pardon, Mario, il nous disait, le ratier avec les chevaux, t'as qu'à dormir dans le foin. Il avait apporté 12 chevaux. Moi, j'avais 2 chevaux pour le film. 12 chevaux. Et donc, il y avait des tas de foin tout le temps. Et des fois, on dormait dans le foin. C'était top. Ah oui. Alors, vous qui nous écoutez et ou qui nous regardez, allez sur les plateformes, allez, ça existe en DVD. Il faut absolument... Non, ça n'est jamais sorti en DVD, les cavaliers de l'orage. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Ah bon, il faut faire quelque chose. Ah ouais, parce que c'est un vrai beau film. C'est un film épique. Il y a une photo magnifique. Il y a Vadek Stanzak qui est avec toi. Voilà, il y a Vittorio Mezzogiorno qui était bien. Alors, après, Mme Bergeau, Marlène Jobert qui joue le rôle d'une infirmière. Enfin, vous voyez là. Bon, voilà. Donc, j'avais ressorti ce petit document pour toi. C'est vachement beau, t'as trouvé ça beau. Dans ma documentation, chez moi, à la maison, dans mes milliers de trucs à droite, à gauche. Etc. Et j'ai également le dossier de presse de La Passante du Sans Souci, mais qui est moins rare. Celui-là, il est vraiment rare. Ah ouais. Je te le donne pas. Hein, je te ah non, montre, non, hein, non, simplement. Non, non, je veux pas. Non, non, c'était bien. Et alors, là, je me tourne vers Jackie. Toi qui es l'homme de radio par excellence, est-ce qu'à un moment donné, parce qu'à Énergie, à un moment donné, il y a beaucoup de tournages de films qui se faisaient. Alors, moi, j'ai prêté ma voix dans Les Frères Pétard. Où on m'entend dire Europe 1, il est 5h, les informations. Gérard Lanvin, dans son film Moi vouloir toi, raconte l'histoire d'un animateur de la radio qui fait 6h-10h sur Énergie. L'émission s'appelle Starter, c'est ce que je faisais. C'est le seul point commun, parce que dans l'histoire de Moi vouloir toi, Gérard conduit une très grosse voiture américaine, alors que moi j'avais une toute petite voiture. Et Gérard avait des conquêtes féminines, pratiquement 3 par semaine, et moi c'était 3 tous les 30 ans. Voilà, moi vouloir c'est toi. Bien, voilà. C'est dur. Mais non, j'ai jamais... Physique de radio, encore une fois. Oui. Hein. Mais bon, mais attends, ça aurait pu te brancher. Et j'ai vendu des casseroles sur TF1 dans le téléshopping. Ah, mais oui, c'est. Mais je me souviens de ça. Et j'en ai vendu des milliers de casseroles. Et en direct et de bonne qualité. Mais en tout cas, la comédie, c'est un complément, c'est un autre aspect du métier, Gérard, quoi, finalement. Ouais, ça démarre avec la peur, on en parlait avec toi. Ça démarre avec une inquiétude. Il y a quand même une différence, c'est que. Bon, moi, j'ai fait très peu de télévision, c'était du direct, mais alors il fallait répéter l'après-midi, il fallait pas bouger, il fallait faire... Oh là là, il y avait des gaffeurs partout et tout. Alors, j'ai bien aimé, parce que forcément, c'est de la télévision, sur TF1 en plus, c'est quand même exceptionnel et tout. Ouais. Mais qu'est-ce que j'étais content le lundi de retrouver mon studio de radio. Ah voilà, et de pas être obligé de se coiffer, de se maquiller, de s'habiller, de se raser. Eh oui, je trouvais ça lourd, la télévision. Ouais, compliqué. Oui, bon. mais alors en même temps, quand tu fais du cinéma, si tu veux, évidemment, la meilleure amie dans un film, ton ami, c'est la caméra. Et les mecs qui sont derrière. Donc le chef-op et le directeur de la photo, un petit peu quand même. Voilà ce que j'ai appris sur le premier film avec Romy Schneider et l'équipe, surtout. Il y avait Yves Agostini qui était cadreur avec des manivelles, des petites manivelles comme ça. Donc c'était des grosses caméras. T'apprends à... L'ami, c'est la caméra, quoi. Tu sais, on se fait des signes, comment je suis... Là, d'accord, ok. T'as des marques par terre, et si tu trahis pas la lumière, le son, et si tu comprends que le son, il est derrière toi, ça veut dire que peut-être le mot important, tu peux bouger ta tête, tac, d'un quart de tour, et balancer le mot important pour le son. Alors là, le mec du son avec sa perche, il est content. Ouais. Et c'est important, parce que là, ça devient un truc à plusieurs... En revanche, si tu fais l'acteur en te disant je suis un mec génial, c'est même pas la peine, quoi. Il faut être Marlon Brando et il y en a un par siècle. Ouais, donc voilà. Alors mais Gérard, c'est bien, parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a tous ceux qui disent bon, il va enfin lui poser la question, lui demander s'il a été heureux d'être l'instit pendant si longtemps. Donc je suis obligé de te poser la question. Ça a été quand même un rôle déterminant, un personnage proche ou loin de toi. Jusque dans quelle mesure c'était toi l'instit? Très proche, évidemment. Très proche de moi, c'est un bon mec, je veux dire, je sais pas comment je suis, mais j'aime les gens, j'aime tous les gens, donc ça c'était bien. Et il y a un truc que j'ai fait dans l'Institut, je peux le dire maintenant quand même. Tout ce que disait l'Institut. On va voir un scoop, les gars. Tous les mots qui sortaient de la bouche de Totor Novak, je les ai réécrits. Ah ouais? Parce que tu réécrivais tes dialogues. Dans un dialogue, ce qui compte, c'est quand on parle pas pour moi, c'est le silence. Ben oui. Et c'est écrit, là, les radios qui sont d'aujourd'hui, elles sont écrites. Ça veut dire que tout le monde lit, les femmes, les filles, les garçons, tout le monde lit un papier. Erreur, c'est fini, ça touche plus les gens. En fait, ce qui compte quand on parle, c'est le silence. Et moi, j'écrivais des silences pour Totor. Il bougeait la tête, il regardait l'enfant, il disait quand même. Et c'est la seconde de silence ou les trois quarts de seconde, tu comprends ce que je veux dire, qui font que les gens ils vont écouter ou que quelque chose se passe. Ça les interpelle tout d'un coup. Pour écrire des silences. Bien sûr. Et ça, tu le faisais, toi. C'est ce que tu fais, ce que tu fais, toi. Tu parles et puis à un moment, tac, hop, tu changes de son, tu changes de musique. Ah bah oui, mais là maintenant, aujourd'hui, on va recevoir deux vieux. Bon, je vais pas dire deux vieux. Hop, un petit silence. Voilà. Mais quand même, c'est des gens. Silence. Quand marqué la radio et tout, et hop, tu repars. Vous qui nous écoutez, c'est des gens. La leçon, là. Non, c'est pas une leçon. Ils repensaient la même chose. Des trucs de pro. Les mots ont une signification. Tu vas pas dire, il fait un beau soleil. Tu dis, oh là là, hey, vous êtes levé? Hey, il fait un beau soleil, là. Bon, c'est plutôt maussade. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais écoutez, tout à l'heure, quand on a passé la chanson de Bob Dylan, c'est vrai qu'on pouvait dire dans la même continuité. Bon, puis écoutez, on va se rappeler un bon souvenir, on écoute Dylan. Non, c'est attendez. Bien sûr. Les amis, là on a un truc pour vous. Voilà, c'est ça le truc. Ça s'appelle faire vivre un petit peu. Et je pense que c'est pareil pour un acteur ou un animateur de radio. Hein, on est à peu près là-dedans. Ah oui, complètement, bien sûr. Oui. Bon, encore une fois, hein, personnalité et puis rester naturel, rester soi-même. Hein. Je crois que c'est la clé pour celles et ceux qui veulent faire un jour ce métier. Restez vous-même. Exactement. Alors, vraiment. Vous savez quoi? On est justement en train de parler de ce naturel. Ça me fait immédiatement penser à quelqu'un qui chante aussi naturellement qu'il vit, qui a fait de la radio, je crois que c'était sur RMC, tu me confirmeras, Jackie, avec naturellement comme il était, qui a fait de la télévision également, avec le même naturel et ce même amour du cinéma. Mesdames et messieurs, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, naturel à l'état pur. Voilà, l'amour du cinéma dans la dernière séance, à la radio. Et une voix, surtout. Eh ben oui. Hein, ouais. Une présence, une voix quand même. Bah oui. Alors, partons sur la route de Memphis. Ah, sur la route de Memphis. Moi, j'aimerais bien qu'on soit sur la route des 130 000 euros, surtout. Alors, Shannon, il faut faire un petit point là où en sommes-nous dans les scores. Oui, qu'est-ce qui manque pour arriver aux 130 000 euros? Un peu moins de 1000 euros. Vincent. Oh, il y a bien moyen de faire ça en 10 minutes. Un peu moins de 1000 euros. Oui. Ouais. Alors, redonne tout ça. Un petit peu moins de 900. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, je compte sur vous. Vous allez sur le site radio.restoducœur.org ou bien encore sur notre appli Radio Resto ou bien encore sur notre appli Radio Player. Tu vois, elle se détend déjà. C'est mieux que tout à l'heure. Ouais, tu vois, voilà. Quand même, c'est mieux, quand même. Shannon. Non, mais il faut être honnête. Vas-y. On plafonnait un petit peu, là. Oui, oui. Et Shannon est arrivé il y a quoi? Il y a 10 minutes. Et ça a dynamité les dons. Elle nous a dit, bon, et les mecs, là, ça merde. Ça merde. Alors, voilà. Elle dit, je reste en studio et je prends les choses en main. On vient d'en prendre 250 d'un coup. On est à 129 235. Il n'est pas possible qu'on passe pas les 130 000 euros grâce à vous, avec vos dons. Vous savez comment faire. Avant midi, avant que l'ami Arthur Emmanuel Lévy prenne la suite à partir de midi. Il faut faire mieux qu'Arthur. Oui. Bah, après, à lui d'envoyer la gouache, évidemment. Et pour ça, on peut lui faire confiance, évidemment. Bon, on a fait une belle parenthèse comédie. Mais je voulais qu'on en parle avec Gérard, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ses grands films, d'avoir ses grands rôles et d'avoir surtout la largeur de travail et d'avoir fait tout ça. Ah oui. Puis, je suis très très bon à la tronçonneuse, très très bon à la tondeuse, par exemple, tu vois, dans la vie. T'es gentleman farmer, t'es éleveur. Non, mais j'aime bien. Restaurateur, évidemment. Non, mais évidemment. Gérard a eu 250 vies. Oui, mais je vais dire quand même une chose, j'ai une femme exceptionnelle, je le dis, je me permets de le dire, ça fait 50 ans qu'on est tous les deux, vraiment, c'est là les cavaliers de l'orage, on est partis 3 mois en Yougoslavie, je te jure, avec 3 filles, donc la DS et tout, au bout d'un moment, les mecs se font un peu chier sur les tournages quand même, et donc nous les catcheurs, les 2-3 catcheurs qui étaient là avec Françoise et nos filles, on leur disait, mais venez manger le soir, donc on se faisait, on avait une vraie vie quoi, une vie, et donc on s'en pas. Une vie d'équipe. Alors, justement, pendant les dernières minutes qui nous restent avant que Arthur et Manu viennent nous rejoindre. J'ai eu peur, allez pas aller, je vous dis ça. Je voudrais les dernières minutes, non, déconnez pas. De cette notion d'équipe. Parce que, à la radio, ok, ce sont des plus petites équipes qu'à la téloche et encore plus qu'au cinéma. Mais je crois que, Jackie, pour toi, c'est fondamental cette notion d'équipe. C'est ce qui t'a animé dans tous les sens du terme toute ta vie. Bien sûr, quand on écoute la radio, c'est une voix, c'est un animateur, vedette ou pas, mais on oublie trop qu'il y a des assistants, il y a des techniciens, il y a des producteurs, et sans eux, la finalité, elle n'existe pas. Évidemment. Et moi, j'ai toujours dit, quand vous êtes à l'antenne, il y a 2, 3, 4 personnes qui ont taffé, et on n'a pas le droit de foutre en l'air tout le travail qui a été fait en amont. Et combien de fois, moi j'étais à Europe, j'étais aussi réalisateur et animateur, et c'est bien d'avoir fait les deux, parce que quand j'étais réalisateur, que je voyais que l'animateur avait un problème et tout, je disais à mon technicien, on va faire les pubs, là il est pas bien, il est déstabilisé et tout, on faisait les pubs, et vice versa, combien de fois ça m'est arrivé au micro, et je voyais que l'équipe technique avait un souci, ils savaient pertinemment que j'allais combler, le temps qu'ils trouvent on se comprend le problème. Mais une bonne émission de radio, c'est une équipe, c'est comme une équipe de football. Si t'as 10 bons joueurs et que t'as un goal qui est merdique, tu vas pas gagner. C'est un ensemble. Évidemment. Et puis encore une fois, cette notion de dire, on va à l'antenne pour donner le meilleur pour que les auditeurs restent. Ben oui, c'est ça, parce que il y a une forme de clientèle aussi, hein. Les évidemment, auditeurs, ce sont des clients, pardon de dire ça. On a besoin d'eux, mais oui, on a besoin d'eux. Et toi, équipes, ça te motivait, Gérard, ça? Tu pensais à cette notion d'équipe? Comment ils étaient avec toi, les autres membres? Parce qu'il faut te suivre, hein, quand même, toi. Ouais, donc comme je ne préparais absolument rien et que je racontais que des conneries, j'avais à RTL, par exemple, il y avait une fille qui s'appelait Babette Petitot qui était assistante. Mais moi, je n'ai pas besoin d'assistante. À l'époque, au contraire, j'étais vraiment solitaire. Mais elle avait un rire, puis elle était top, quoi. Malgré tout, évidemment, elle travaillait, elle faisait des trucs. Donc elle était assise. J'avais récupéré le studio de Roscoe à Europe. Ah, oui. C'était un studio, t'es assis, t'as ton micro, mythique. Et t'avais tu faisais tout, la technique, tout le bordel, t'étais tout seul, magnifique. Ah ben, elle était juste en face de moi, je racontais des conneries et elle riait, donc elle avait un micro, hein, mais le rire qu'elle avait, c'était, vous pouvez même pas imaginer le rire, tu faisais rire un régiment entier, et donc j'ouvrais son micro, continue, je dis, tu vois, donc c'était de la radio complètement spontanée, comme j'ai dit, comme Biro, comme Maurice Biro faisait, ouais. Et c'est réjouissant, mais je comprends parfaitement, Jackie, toi, c'est la radio, c'est réjouissant, c'est, je sais pas pourquoi, t'as l'impression que la personne qui t'écoute, elle est avec toi, quoi. T'as envie de faire quoi plus tard, Shannon, toi? Parce que bon, t'es étudiante en radio, c'est ça? Ah oui, moi je suis anciennement au Studec, je suis animatrice, même si depuis maintenant un an, même un peu plus, je travaille en radio, comme tu l'as dit. J'ai fait mes premiers pas à RTL avec toi, notamment. Oui. Et justement, je voulais te remercier de m'avoir cité, parce que toutes ces personnes derrière vous en régie, eh ben, elles sont importantes quand même en radio. Et mais pas comment oubliées. Ah ben ça, quand on fait des jeux radiophoniques et qu'il nous faut des bons candidats, si on n'a pas quelqu'un de top au standard, bah vous faites le jeu tout seul. Hein, et bah ouais. Et oui. Une chose, c'est que la standardiste, c'est le premier contact entre l'auditeur et la radio. Et, oui. Et si la standardiste dit bonjour, vous voulez parler à qui? À Vincent Perrault? Il n'y a pas de souci, on va vous prendre juste après l'antenne. Ah, vous baissez votre transistor, votre machin et compagnie. Ah, il a tous les réflexes. C'est hyper important. C'est le premier contact. J'ai envie de parler à Vincent Perrault. Il fait un jeu, comme il fait le matin, le week-end. Déjà, cette voix est rassurante parce que nous, on a l'habitude d'être dans un studio de radio. Mais l'auditeur. Et beaucoup moins. Accompagne. Et oui. Bien sûr, il faut les rassurer. Absolument. Et le premier contact est très, très important. Bon, alors, il faut que les Athéniens s'atteignent. Et oui. Nous, on a presque atteint midi. Ah, on n'a pas encore tout à fait. 129 595. C'est dire que ça monte. Allez, mettez un petit coup de cravache, les amis. Tiens, ça te rappelle les cavaliers de l'orage, le coup de cravache, Gérard. Mais mettez un petit coup de cravache, il faudrait vraiment qu'on arrive. C'est symbolique, mais franchement, les 130 000, ce serait bien. Ma dernière question à l'un et à l'autre. Le souvenir de radio, le fait que, toi, Jackie, tu en fais encore. Tu vas nous en redire un petit mot. Toi, Gérard, tu gardes quel souvenir de ces années? Des années bonheur, des années plaisir, des années kiff, des quoi? Quand t'arrives à mon âge, t'as énormément de valises de souvenirs, quoi. Donc, s'il faut ouvrir la valise de la radio, c'est pas la question quel est le meilleur souvenir, non, ça c'est vraiment la question plein, bateau. Non. C'est plus un état d'esprit de un ce qui reste de ces années radio. Rencontrer des gens, quand tu rencontres un mec comme Mastroianni, Marcello, nous on a tourné tous les deux, tu vois. Si tu parles de cinéma, c'est le mec le plus drôle du monde que j'ai rencontré, puis le plus agréable, le plus gentil. Et quelle classe. Ah ouais, non, mais surtout c'était un mec vraiment drôle. On était à l'Aquila, tous les deux, il y avait Michel Picot et sa femme Ludivine, qui était dans leur chambre. Et puis des fois l'après-midi, on s'emmerdait quand même, on tournait pas. Il m'appelait, il me disait Gérard, viens, on va visiter. Alors qu'on faisait toutes les charcuteries. et on achetait du jambon, puis il draguait une charcutière pour me faire rire. Après, on tapait à la porte des deux, Michel et sa femme, pour les emmerder. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, ils étaient tranquilles, il était 6h, 7h du soir. On leur amenait de la charcuterie à manger, mais on n'a pas avec faim. Marcello Mastroianni. Tiens, à propos de Marcello, j'ai juste un tout petit truc à vous dire si vous êtes du côté de Paris en ce moment. Ouais, parce qu'on n'a pas le temps. Tu me parlais de mon livre sur Brigitte Bardot tout à l'heure. C'est juste pour dire que le cinéma MacMahon, je ne sais pas si vous le connaissez, avenue MacMahon à côté de la place de l'Étoile, m'a gentiment proposé de venir faire une petite séance de dédicace de ce livre à 19h ce soir et de choisir un film de Bardot et de le présenter. Alors j'ai choisi Vie privée, le film de Louis Malle avec Brigitte Bardot et Marcello Mastroianni, j'y pense par association d'idées. Ça fait un beau couple quand même, Bardot, Marcello. C'est-à-dire que ça fait bébé contre MM. Donc ça fait quand même un joli match. Donc si jamais ce soir vous n'avez pas grand-chose à faire et que vous voulez voir sur un grand écran Vie privée, qui est un excellent film, eh ben venez au MacMahon et on risque de passer un bon moment de cinéma tous ensemble. Voilà, alors les amis, mais qu'est-ce qu'ils font nos camarades Manu et Arthur? Parce que ça va vraiment être à eux maintenant. Ah bon, on continue, il est midi, on va lancer les juste infos. Un mot pour dire J'aperçois une silhouette qui me rappelle quelqu'un. Deux silhouettes qui me rappellent des vieux camarades. Eh bien, voici Arthur, voici bonjour. Manu. Les places sont chaudes, les amis. On va vous laisser tout Arthur est smart parce qu'il dit putain, mais c'est l'EHPAD, c'est ce que je dis à chaque fois. Allez. On vient de se raconter des histoires de radio et des beaux souvenirs depuis 2 heures. C'était assez fun et on vous laisse la parole maintenant. Merci. Arthur, Manu Lévy dans un instant sur Radio Resto. Et quasiment à la seconde près. Il est midi et surtout, on est vraiment à 130 000 euros là, à quelques euros près. Donc, à vous de faire le taf et de faire la suite. Le million et les 130 000. Salut à tous et merci de nous avoir écoutés. C'est nous. Avec Jackie Gallois et Gérard Klein ce matin sur Radio Resto. Merci beaucoup. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi.